écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Bien tête. C'est limite. Bien tête. Hein, c'est tête. De même. Tu sais, là, je fais des doigts. Oui. Tête. On se comprend. Oui. Tiens, parlant de tête. Oui. Remplissons-nous la tête. J'ai déjà fait la semaine passée cette blague-là de tête. Hein. Non, ouais. Non. Ouais, oui, il y avait c'était de la tête aux pieds. C'était le gars qui était tête et j'étais les pieds. Ah, mon Dieu. En fait, j'étais le pied. C'est ça la blague. Wow. Bref, voici c'est un fait. Si tout va bien, là, en fin de semaine, j'ai passé beaucoup trop de temps à travailler les intros de l'émission. Il n'a pas fait très beau, hein? Non, il n'a pas fait très beau, donc il y a beaucoup de montage d'intros d'émission. Et ça devrait, si tout va bien, être la dernière fois qu'on entend cette version-là. Oh! Surprise. Surprise? Spoiler alert. Fait que ça serait quand? C'est lundi prochain? J'aimerais ça. Okay. C'est long en maudit à date. Ouais. C'est vraiment, vraiment long. J'ai refait tout. OK. Excellent. Mais bon. Bref, on s'en reparle. Ça paraît que la fin de l'année arrive. C'est ça. Je vais être prêt pour janvier. Ben oui. Donc. Nouvelle résolution. Je ne laisserai pas commencer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, tu veux savoir, ça va être quoi la chanson? Ça va siffler dedans. Ça va siffler? Wind of Change. OK. Siffle-moi ça. C'est la toune qu'on avait fini, mais l'on vient le chou de Bruxelles. Ah, t'es ça? Oui. Je me rappelle pas de ça. C'est pas grave. Bon. Ah, donc, c'est un fait. Oui. La moitié des Américains vivent à 50 000, dans le fond, à 50 000, les miles, de l'endroit où ils sont nés. Donc, à seulement quelques kilomètres. La moitié de tous les Américains vivent très proche d'où ils sont nés. Hmm. Ouais. J'imagine que c'est la même chose au Québec, au Canada. Sûrement. Je sais pas. Moi, c'est marqué Montréal. Ouais. T'es né à Montréal? Moi. OK. Et tu vis à Trois-Rivières? Ben, c'est ça. C'est upgrade. Puis mon passeport vient de Saguenay. Wow. Ta mère est française. Mon Dieu. Le haki. Oui. La petite balle a été inventée en Turquie. C'est le fun, ça. Oui. On sous-estime le plaisir qu'on peut avoir avec du haki. J'ai jamais vraiment joué au haki. Ah. C'était le fun. Oui. Est-ce que tu joues encore à ça? Est-ce que t'as le droit de jouer à ça, passer le secondaire, mettons? Ça m'est arrivé l'année passée. Ici même. OK. Dans le studio. In the campus. In the campus. In the campus. Eh bien, tu m'en diras plus. Oui. Qu'est-ce que la tripophobie? Tripophobie, ça, c'est quand t'arrêtes pas de tripoter. C'est pas encore une vraie phobie, nous dit-on, mais ça pourrait l'être éventuellement. Donc, on parle évidemment ici de la peur de ramassis de petits trous. Cluster of small holes. Ah ben. Donc, t'as des petits trous, puis il y en a beaucoup à côté de l'autre. T'as ça. Mettons comme un tamis. Comme un tamis. Ouais. Oui, le tamiphobie, quand t'as peur de Tammy Verge. Oui. Et tu regardes jamais V parce qu'il est tout le temps là. Les humains utilisent 72 muscles lorsqu'ils parlent. Ben. Je suis en train de me servir de 72 muscles. Ben, tu vois, t'es en forme. C'est un grand effort, là. Je suis très bien entraîné de la mâchoire. Oui. Comme dans Jaws. Ouais. Pour empêcher, et là c'est vraiment une source réputée, c'est The Week au Royaume-Uni qui nous annonce ça. Pour empêcher une rôtie de tomber le côté beurré par en bas, t'as besoin d'une table qui mesure 8 pieds de haut pour que la rôtie puisse faire 360 degrés sur elle-même pour atterrir sur le dos. Mm-hmm. Puis avoir la médaille d'or. Et voilà, les petits cartons se lèvent. Oui. Fait qu'il y a 8 pieds. 8 pieds. Hmm. C'est haut. C'est pas pire. L'hypnotisme, donc l'hypnotisation, est banni dans les écoles publiques de San Diego. Ah ouais, c'est un fléau, là. Plus personne se contrôlait. C'est ça. mais où ces paupières sont lourdes? Carmen San Diego. Tout le monde essayait de faire ça au prof. C'est ça. Ah. Ouais. C'était Pauline Martin. Non. Oui. Ça, c'est celle qui jouait la bonne. Ouais. Carmen San Diego, c'est un personnage par ordinateur. Puis son. Martin Drainville. Ah. Mais j'étais pour dire, son chum, c'est Paul Martin, t'sais, le cuisinier. Paul Martin. Puis il a l'entente, c'est Paul Marois. Puis tous les noms qui se ressemblent, c'était dans le Carmen San Diego, je pense. Exactement. Faut que tu trouves le bon. Quatre différentes personnes ont joué le rôle de Darth Vader dans les films de Star Wars, bien sûr. On parle de quelqu'un qui a joué son physique, son visage, sa voix et sa respiration. J'ai de la misère à comprendre pourquoi son visage individuellement serait noté dans les quatre, mais je savais pour sa voix que c'était pas la voix de l'acteur, parce qu'on a vu plusieurs extraits dans les making-of et la voix est pas la même du tout. Les respirations, ça me surprend pas non plus. Quelqu'un qui a une bonne grosse respiration. Ouais, moi j'aurais cru que ça aurait été fait par ordi. Ouais. Ah, peut-être qu'à un moment il enlève son masque, hein? Est-ce qu'il enlève son masque dans Star Wars? Puis c'est peut-être un autre acteur que le gars qui jouait physiquement le corps de Darth Vader. Ça, ah, c'est ça. C'est en parlant qu'on comprend. Oui. Entre 1931 et 1969, Walt Disney a ramassé 35 Oscars. Wow. Mmh. Tinker Bush. Qu'est-ce que ça veut dire, Tinker Bush? Tinker Bush, nous orteils. Oh, wow. C'est une personne qui est accro à la cire bikini. À la cire bikini. Oh. C'est pour, ça veut dire ouais, pour fuir. Ah! Bouge-genou. Hey, je peux-tu faire une parenthèse? S'il te plaît. T'as-tu reçu mon message texte en fin de semaine? Ah, oh, excuse-moi, oui. Ah, oh, oui. Je t'ai pas répondu parce qu'il était rendu comme d'ennui. Mais raconte-nous. Ben, rapidement, je suis allé au métro vendredi soir après mon spectacle. Ah! Oh. Ouais, là, ça fait trop de liens, mais peu importe. Je suis allé chercher de la bouffe à chat. Parce que j'en avais plus. Chez Mondou, comme... Non, chez métro. OK. Juste chez métro. Ouais. Puis en sortant du métro, tu sais, il y a comme un salon de billard. Ouais. Puis à côté, je vois qu'il y a un nouveau restaurant qui s'appelle L'Entre-Jean. C'est délicieux. Apportez votre vin. Oh. Apportez votre varin. Ah oui? Parce que Entre-Jean, c'est le mot que j'utilise pour ben oui, écoute, masquer un engin. Oui, j'ai été obligé de me tasser sur le côté. J'ai fait « Faut que je texte immédiatement, monsieur Plante! » Moi, j'ai eu ça juste dans la nuit. Puis là, je me disais « Je veux pas te répondre le lendemain matin, ma place va t'en parler en vrai. » Ben oui, ben hein? C'est ça, c'est fait. Je pense que tu m'en as parlé, j'aurais oublié. Ah, ben écoute, ça a flashé comme ça. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle tout de suite. L'Entre-Jean. L'Entre-Jean. Mais quel bon nom de restaurant. Ben oui. Il y a même quelqu'un qui m'en a parlé en fait. Il a dit, as-tu vu ça, le nouveau restaurant, L'Entre-Jean? C'est le nouveau Snatch Bar. Oui! Oui! OK. Merci, JP. Ah, écoute, il fallait. C'était nécessaire, absolument. Oui. Si toute une famille au complet est un petit peu obèse, les chances que le chien soit obèse augmentent. OK. Évidemment, parce que si t'as pas de contrôle pour la nourriture, t'auras pas de contrôle sur la nourriture que tu donnes à ton chien. C'est un petit peu logique, mais en même temps, pas sûr que les chances sont... Mais peut-être. Toi, tu manges le bacon, lui, tu lui donnes à boire du gras de bacon. Tu donnes le cochon. Le cochon complet. Qu'est-ce que l'adermatoglyphie? Adermatoglyphie, là, je t'en demande une vraiment bonne. Hein. Ouais, adermato... Adermato. Adermato, c'est comme quand tu t'inscris pour avoir une carte d'abonné chez Mato Électronique. Oui, c'est ça. Donc, t'adhères. Oui! Et que tu signes Glyphia. Adermato. Et puis, c'est quoi la fin? Glyphia. Glyphia, oui, c'est ça. C'est bien tough. On appelle ça. Mais là, ça marche pas. Non, ça marche pas. On appelle ça l'Immigration Delay Disease. C'est la maladie du délai d'immigration. Bref, c'est une rare condition où la personne n'aurait pas d'empreinte digitale. Ah! Je sais pas pourquoi immigration, mais j'imagine que peut-être que la formation des affaires dans tes doigts... T'as trop frappé avec un marteau sur tes doigts. Peut-être. Adermato. Adermato. C'est bon, ça? Ouais, j'aime ça. Merci. Mais bon, donc Adermato. Ouais, donc voilà, sans empreinte digitale. On nous dit que 40% de la population américaine n'a jamais visité le dentiste. Pas surpris encore là, 40%. Mmh. Jamais de sa vie. Beaucoup de gens pauvres, sûrement. Les bergers allemands mordent les humains plus que n'importe quelle autre sorte de chien. OK. Moi, j'ai déjà été mordu par un berger allemand. Une belle histoire, hein? Oui! C'est tout. Nein, nein, nein! D'ailleurs, on reste en Allemagne. Le gâteau German Chocolate Cake, donc gâteau au chocolat allemand, a été créé aux États-Unis. Donc, c'est pas allemand du tout. Comme le pâté chinois. C'est ça. C'est ça où... Ici. C'est au Québec, c'est au Québec. Hein. C'est ici même! Dans le studio, c'est fou! C'est de la grosse boulette. Les biscuits avec des petites phrases dedans, les biscuits chinois, si on veut, ont été inventés aux États-Unis aussi en 1918 par Charles Young. Mais okay. J-U-N-G, je sais pas si c'est un asiatique, mais ça sonne asiatique. Celui-là est complètement ridicule, je l'ai pris parce que je voulais qu'on puisse en rire. Si un homme flatulait pendant 6 ans et 9 mois, OK, et qu'il l'allumait avec une allumette ou un briquet, il produirait une explosion qui serait plus forte que la première bombe atomique. Combien? 6 ans? 6 ans et 9 mois. Oh mon Dieu, t'imagines-tu comment tu te sens bien après? Mathieu, je me sens ballonné. 6 ans plus tard. Part en fusée tous les ans. Oh, ça ferait une bonne impro. Ben oui. On va le dire plusieurs fois, je pense, dans cette chronique-là. Oui, parfait. Les terrains de golf couvrent 4% de l'Amérique du Nord. Oh. 4%. Devine le livre qui est le plus souvent volé dans les bibliothèques publiques des États-Unis. Tu devineras pas. Non, mais là, je me serais dit peut-être le dictionnaire. Ça n'arrête plus. Mais c'est pas ça, ça veut dire. Donc, c'est sûr que c'est un livre populaire. Ouais. Donc, peut-être la Bible. Il loue pas la Bible dans une bibliothèque? Est-ce qu'il lit... Je sais pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Peut-être. Le livre voler un livre à la bibliothèque pour les nuls. Comment voler un livre? C'est le livre des records Guinness. Ah, mais, oui. T'avais une très bonne idée. Ouais. Les jumeaux identiques. Et là, j'ai vérifié la source qui est sûre. Okay. Donc, les jumeaux identiques sont seulement identiques génétiquement au moment de la conception. Ils deviennent de plus en plus différents. Alors que le temps avance, on parle génétiquement. Là. OK. C'est quand même intéressant, je savais pas ça. Et... les jumeaux identiques, encore une fois, sur ce sûr, n'ont pas des empreintes digitales identiques. Aha, le mythe. Le mythe. J'imagine qu'ils sont très, très similaires et que certains, j'imagine, experts peuvent pas déceler, mais en tant que tel, il y a au moins quelques petites différences. Voilà. Fascinant. Qu'est-ce qu'un édénophobe? Édénophobique. Ceux qui ont peur de l'Éden. Oui. Comme dans « Hidden Things You Do ». Oui! C'est la peur du plaisir. Édonis. Oui, c'est ça. Édonise. Édonise. Entre 1902 et 1907, le même tigre, un seul tigre, a tué 436 personnes en Inde. Mm-hmm. Bon appétit. Ah oui. Ils se sont trompés. Ils étaient dans un zoo, mais il y avait comme tout rentré les gens dans le... Dans le contrat de... Ouais. Ah. Ouais, c'était plus drôle dans ma tête. Moi, c'est... L'image est drôle. Ouais. Ouais. C'est une belle pro. Selon le Office for National Statistics, le Bureau national des statistiques, d'ici à 2037, il va y avoir 111 000 centenaires au Royaume-Uni, ce qui va être une augmentation parce que c'est à 13 000 aujourd'hui. Donc, 13 000 à 111 000 personnes au-dessus de 100 ans au Royaume-Uni d'ici 2037. C'est le temps d'investir dans les peppermint. Peppermint, tu vas en voir. Oui. Je sais pas. Il me semble que c'est beaucoup. C'est beaucoup de peppermint? Non, de personnes âgées sur les routes. Oh mon Dieu! Okay. Les papillons ne peuvent pas voler si la température de leur corps est en dessous de 86 degrés. OK. Précis. La moitié des vols de banque se passent un vendredi. Ah oui? Je sais pas, la fin de semaine s'en vient par... Ben oui, sur c'est ça. Vendredi. Ben oui, mais tu sais, t'as une mauvaise semaine, hein? Ça peut arriver. T'sais, on te pardonne. Là. Si c'est vendredi, on te pardonne. Donc... Le lundi, ils sont pas prêts à ça. Non. Lundi, tu... OK. Nous, on va créer la confusion. OK. Est-ce qu'on change tout? On change tout. On change tout. ça, c'est drôle. En montant tes jambes tranquillement et en te couchant sur le dos, tu peux pas couler dans du sable mouvant. OK. Sauf... Lève tes jambes. Ça doit être très... T'es couché sur le dos, là. Oui. Mais moi, j'aurais peur. Moi aussi. t'es vraiment proche de la fin, là. Mais t'es sur le dos. Fait ouais. Que tu sais ce qu'on veut faire sur le dos. Ouais. Tu peux regarder les étoiles. Oui. c'est ce que j'imagine. Pendant sa vie, l'humain moyen va se faire pousser environ 590 000 de cheveux, ou on parle en kilomètres de 950 kilomètres. 950, de, OK. De poils, de cheveux. Un à la suite de l'autre, mettons. Ben ouais, mais si tu les faisais pas couper, mettons. Mm-hmm. C'est pas mal de cheveux, quand en moyenne. Quand même. Pour élever un chien moyen jusqu'à l'âge de 11 ans, combien est-ce que tu crois que ça coûte dans la vie? L'autre fois, Ingrid nous l'avait demandé pour un enfant par année. Ouais. T'avais été bon quand même? Ouais, toi aussi. Oui, merci. Pour un chien moyen. Un chien moyen par année? Jusqu'à dans l'âge de 11 ans en général. 5 000? 6 400. Ah! T'es vraiment bon. Ouais. Bravo. Merci. Ouais. On parle maintenant du 15 novembre dernier, donc c'était la journée nationale de nettoyer votre réfrigérateur. Hop, j'ai sauté par-dessus. Oups. Oh, merde. Non? Pendant leur règle, apparemment, nous dit-on, selon Internet, toujours un fait selon Internet, le majeur rapetisse sur les mains des femmes pendant qu'elles sont dans leurs règles. Hein? Pourquoi? Je sais pas, mais le majeur rapetisse. Personne ne sait pourquoi. C'est ce que ben, ça... ouais, peut-être parce qu'il... C'est pour éviter qu'il t'envoie trop chier. Ben, sont déjà assez méchants de maman, mais bon. les chiens et les chats consomment en moyenne 7 milliards de dollars en nourriture pour animaux par année. Ben oui. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, 6 400 dollars par chien. C'est beaucoup. Mais pour en général, pour tout le monde, 7 milliards. Qu'est-ce que la taurophobie? C'est quand t'as peur du taureau. Sais-tu quoi? Je savais que t'allais dire ça, puis c'est la première fois, je crois, la deuxième, que j'ai raison. Que tu l'as exactement. C'est vraiment la peur des taureaux, c'est bizarre. Hein? Ah ouais. Taurophobie. D'habitude, c'est tout le temps autre chose. Ouais. Ça n'a jamais rapport. Non, là, je me serais attendu à. Comme, ah, c'est, t'as peur de, du vin, le taureau. El taureau. El taureau, l'alcool. Je sais pas. Ah, t'as peur des Ford Taurus. Oui. L'animal le plus vieux de la planète au complet est un deep sea clam, okay? Donc c'est un fruit de mer, né en 1499, et il a accidentellement été tué par des scientifiques en 2006. Oh non. Ah, ils l'ont mangé. Voilà. Un petit peu de beurre à l'ail, c'était parfait. Ça valait la peine. La Bulgarie est la seule équipe de soccer de la Coupe du Monde de 1994 où tous les joueurs, les 11 joueurs de l'équipe, avaient un nom de famille qui finissait par OV. Ah oui. OV. OV. OV. Dépendant de quelle de la force du vent et de sa direction, la rotation de la Terre peut accélérer ou décélérer par rapport au vent. Mais ça, c'est encore une fois une source réputée, je le précise parce que ça se fait rare. Mais quand même, hein? Ouais. La force du vent. Eh ben, il y a ça et Superman. Oui. Fait virer le monde de bord. Ben oui. Ben oui. Le 14 novembre dernier, c'était la fête nationale du guacamole. Pourquoi on l'a pas su avant? C'est ça. Fiesta, por favor. Puis après ça, ben, il t'a fait ton ménage de frigo. C'est ça. Ouais. Exact, t'as raison. Les disques compacts lisent de l'intérieur à l'extérieur des rayures du CD, ce qui est le contraire d'un vinyle. Ben oui. Qu'est-ce que la dépnophobie? D-E-I-P-N-O, dépnophobie. Dépno. On dirait le capitaine Dépno. Oui, capitaine Patnaud. Oui, Dépno. C'est ça. Ça doit être ça. C'est la peur des conversations lors de repas. Ah. La peur de parler parce que t'as la bouche pleine, ça coule partout. La dépnophobie. Dépnophobie. À une latitude de 60 degrés sur la planète, c'est une latitude, longitude, là, 60 degrés sud, tu pourrais faire te promener en bateau tout le tour de la planète parce que c'est de l'eau au 60, latitude 60 sud. Ouais, mais faut que tu gardes le cap. C'est ça. C'est ça. Ah, dans les Trois-Rivières! Oui! J'entends, c'est la prophète. C'est vrai? Avant la prohibition, la façon de boire la plus traditionnelle, la plus connue à la maison était de boire dans un seau qui était rempli au pub local ou dans une brasserie. Bah. Dans un seau. Ouais. C'est ça quand on dit, tu sais, quand t'as loquette, là. Fais-moi faire le saut. Tu vas juste boire un gros banquette de bière. Oui. Entre 25 et 33 % de la population va éternuer lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Je regarde la lumière, ça me fait rien. Ah. Non. Ça en prend plus, du soleil. Achou! Achou! Les petites sandales de Cendrillon, à l'origine, étaient faites en fourrure dans les livres originaux. L'histoire a été changée par un traducteur dans les années 1600. C'est devenu juste un soulier de verre, je crois, ou quelque chose comme ça. Ben, c'est ça. C'était de la fourrure à l'origine. Un soulier de fourrure, une pantoufle. Une pantoufle. Une pantoufle. Il nous en reste quelques-unes. Le Jello à la canneberge est la seule saveur de Jello qui vient de vrais fruits et non pas de couleur ou de saveur artificielle. OK. La canneberge. Canneberge. Okay, ben. Les ours polaires sont presque invisibles aux caméras infrarouges. Oh! Et on pourrait en faire des affaires avec ça. C'est ça, ça veut faire un vol, engagement d'ours polaire. Le lundi. Le lundi. Ouais. C'est ça, parce que le vendredi, c'est trop pris. Tu sais. En même temps, le vendredi, si la police est dans les banques, parce qu'ils sont autour des banques, parce que les voleurs volent le vendredi, tu pourrais peut-être faire de quoi, je sais pas. Ouais, il y a de quoi à faire. Y a de quoi avec faire. Un ours polaire, tu peux tout faire. Les poulets qui font des œufs bruns ont des lobes d'oreilles rouges. Il y a un lien génétique, apparemment, entre les deux. Okay. Entre les lobes d'oreilles rouges et les œufs bruns. C'est bon, ben oui. J'aime ça. Dark Side of the Moon est resté sur le top 200 de chez Billboard pendant 741 semaines. C'est 14 ans. L'album Dark Side of the Moon, évidemment... You know? Oui? C'est Dark Side of the Moon, c'est évidemment... Tout le monde sait ça, quand même. Uh-huh. Side of the Moon, you know? C'est... Voyons, come on. C'est Pink Floyd. Oui, clairement. Je savais. C'était plus drôle de faire chercher. Ah, t'es drôle. T'es drôle. Je vais prendre ma revanche. Oui, allez à la maison. Allez à la maison. Bingo est le nom du chien sur la boîte de Cracker Jack. Ah, bah, oh, enfin. Ben oui, bingo. Fait que la prochaine fois que je sors du cereal, je vais pouvoir faire oh, bingo. Bingo. Bingo. On a dit ce name. Il y a une chanson là-dessus. B-I-N-G-O. OK, wow. C'est ça, c'est après ça, ça devient B-I-N. Faut que tu tapes des mains deux fois, puis tu remplaces chaque lettre. À chaque fois, tu remplaces une lettre de plus. Ah oui? Par des applaudissements. Ah, je me souviens pas de ça. Ben, je te jure. Maudit, mon enfance est loin. Est loin. Tu n'en as pas assez profité, je trouve. Ben oui. Et pour terminer, qu'est-ce que la caliginéphobie? Caliginéphobie. Ça, c'est quand tes cheveux ils calent de façon génétique, puis t'as peur que ça t'arrive aussi. Je pensais à dire, c'est quand les poils de ton entrejambe féminin, la calvitie gynée. Oui, mais la calvitie génétique. Oui. Non, on n'est pas dans kinky. Non, c'est pas kinky. Donc, calvitie gynée phobie, c'est la peur des belles femmes. Ah, ben. Hein? Hey, sûr. C'est comme disait Le Monde dans le Feu, Chris, t'es pas belle. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien, on va aller rejoindre Max Tanguay. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais puis elle est longue, hein? Une chanson. Comment? Pour elle est longue pour vrai. Les gens. Ah oui. Moi, ah je oui. connais. À deux, cinq minutes, il dit que ça. Pour écœurer le monde. Moi, je salut, Max Tanguay. Hey, salut, Danny. Même lui, il va être tanné en studio de chanter ça. Pour vrai. Mais moi, je la louperais. Ouais. Ça paraît je pense que ça aurait été mieux. Ouais, ouais, ouais. Pauvre lui. Écoute, quand t'as des idées de con, des fois, faut que tu t'ailles jusqu'au bout. Ben oui, mon gars, je fais ça 2 heures par jour. Ben... Ça va, Max? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Mieux? Oui. Okay. Oui, ben là, c'est rendu dans le bas du dos, mais en tout cas, j'ai déjà fait mon éditorial ce matin à Assemblage requis, là, comme quoi que j'avais mal dans le dos. Mais ben, comme je t'ai dit, s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre, c'est le gars à qui tu parles. Ben c'est oui. genre 2 ans et demi que j'ai de la misère à bouger. C'est chronique, toi, dans le fond. Oh, ouais, c'est chronique. Ben oui, ben oui. En tout cas, on va changer de sujet. On va aller voir que de neuf dans ton iPod. Écoute, ce que j'ai de neuf dans mon iPod, c'est de la musique qui va faire peur à du monde un peu. C'est Ancients, ancien, mais avec 2 i. Mais ça, c'est la mode. Hein? Les bands ont des doubles lettres ou des trucs de même. Oui, ils modifient l'orthographe. Je pense parce qu'ils commencent à manquer de noms de bands. Ça se peut. Hein? Ça se peut pour vrai. Ben, je pense que oui. Puis, je suis encore médusé à savoir est-ce qu'il faut que je prononce Ancients ou Ancients. Est-ce que je l'étire? Là, ouais. Fait que c'est ça. À votre discrétion à la maison ou en voiture, si vous voulez tirer l'Ancients ou non. Cela dit, donc, groupe qui a vraiment tous les bons paramètres pour me plaire, là, c'est point d'âme. C'est un groupe de Vancouver qui a commencé récemment, là, qui a lancé son premier album tout récemment, cette année même, et qui était censé, parenthèse, passer à Trois-Rivières au Rock Café de Stage. Donc, ça donne un exemple le groupe n'est pas encore gros. Oh oui, c'est très émergent. Très émergent. Par contre, ils ont finalement annulé eux autres étaient en première partie de Ben Skeleton Witch, d'un Ben de Montréal au Rock Café de Stage. Finalement, ils ont annulé leur présence parce que Lamb of God les a appelés tout bonnement. Puis ils ont fait « Hey, notre Ben nous a lâché, ça vous tente-tu de faire notre première partie? » Fait que quand Lamb of God t'appelle, tu dis « Oui ». Mm-hmm. Tu baisses tes clous, tu dis oui, je vais être là. Fait que donc, finalement, je n'ai pas vu Ancients en spectacle, mais bon, ce n'est que partie remise. Tout ça pour dire, groupe qui a lancé son tout premier album cette année, et qui font un metal progressif. De base, là, c'est metal progressif, mais ils vont mélanger beaucoup d'influences metal récentes, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des structures de chansons, au niveau de la voix. Des paroles un peu, ça ressemble beaucoup à ce que Opeth a fait. Donc, le groupe suédois, le groupe de metal progressif suédois, qui ont commencé très death metal, puis plus le temps avance, plus ils commencent à se calmer, puis à tomber rock blues même à l'île. Vieillissent. Ils vieillissent, ben oui. Écoute, il peut plus crier comme il veut, là, écoute. Et, mais justement, la vocale qui était partagée entre le growl de death metal, là, le ouais. ça, et le vocal mélodieux de Michael Åkerfeldt, ils vont aussi mélanger certains éléments plus sludge. Donc, on va chercher Mastodon, Baronies, un métal un peu plus lent, plus lourd, où la voix est entre le... Il crie pas, mais il chante pas. Entre les deux. Il grogne un peu, exactement. Bonne façon de le dire, effectivement. Et donc, lui va mélanger le chanteur d'Ancients, dont le nom m'échappe pour Kenny Cook, va mélanger autant la voix très mélodieuse, quand même, il y a une voix quand même assez haute, et la voix plus death metal, justement, plus growl. C'est pas du gros gueulage de fou, mais tu sais, c'est quand même présent un petit peu. Il y a du poil un peu dans la gorge, mais pas trop. Ah ouais, c'est ça. Écoute, j'ai une photo devant moi, là. Ils ont du poil partout. Est-ce que c'est une grosse formation dans le sens, souvent, les bands progressifs, là, il y a du membre. Ils sont quatre. OK. Ils sont seulement quatre. Et c'est un line-up bien habituel. Oh, là, ouais. Guitare, basse, batterie. Et voix, nécessairement. Oh, ouais. Mais dans la chanson qu'on va entendre, d'ailleurs, vous allez entendre les deux types de voix. C'est vraiment un seul chanteur. Okay. Je pense que les autres font même pas de back. Oui, ils font des back vocals, mais c'est assez minime. Donc, il y a une voix assez particulière, assez exceptionnelle. Donc, un groupe qui, c'est sûr, vu que c'est dans du métal progressif, va avoir un côté un petit peu technique, veut pas. On y échappe pas, mais c'est une technique que je trouve qui passe quand même très bien, qui n'est pas assommante. C'est pas lourd de technicalité. Ça passe quand même bien. C'est sûr qu'il faut aimer un peu la musique progressive là, pour pouvoir apprécier le style. C'est des albums. C'est des chansons qui vont généralement varier entre 6-7 minutes. Il y en a la plus longue de l'album qui dure 9 minutes et quelques secondes. Si je me souviens. Long, mais quand même pas exagéré. Non, c'est ça. Prog, c'est ça. Puis les structures, les chansons sont bien faites, sont bien montées, sont bien ficelées. Même qu'en fait, c'est ce qui m'a frappé la première fois que j'ai entendu le groupe, la première fois que j'ai entendu l'album, à quel point... Les gars, ça n'a pas l'air d'être des recrues là, de la musique. Là, sont vraiment là. Même si c'est leur premier album. Ils savent où ils s'en vont. Niveau mix du CD, il y a comme une espèce de... Ils n'ont pas voulu faire un son parfait. Okay. Fait que le son est légèrement plus lointain, un petit peu plus de reverb. Puis, tu sais, ça paraît que ça sonne album, pas trop de budget. Okay. Mais tout ce qui est composition, c'est vraiment très, très bien fait. Le batteur, écoute, moi qui est batteur dans la vie, le batteur me jette à terre. Okay. Il est exceptionnel. Puis il fait bien... le gros défaut de ces genres de groupes-là, c'est que souvent, la pédale double dans le fond, et le double bass drum, là, on va voir ça dans le fond, lui, il l'utilise bien avec parcimonie. C'est génial. Il sait où la mettre, okay. Oui, exactement. Et là, il y a la guitare électrique, distorsion et tout. Ils vont quand même mélanger quelques éléments acoustiques aussi là-dedans, dont la dernière pièce, For Lisa, qui est la pièce qui ferme l'album, qui est instrumentale et très tranquille, vraiment très douce. Donc, c'est le groupe que je vous offre, Ancients, là, c'est niaiseux, parce que je me rappelle pas du nom de l'album, c'est complètement ridicule. Mais c'est la chanson Giants qu'on va aller entendre, qui, je crois, est pas mal la chanson qui vous donne le meilleur exemple du groupe en tant que tel. Donc, on va avoir la partie plus rock progressive. C'est sûr, je dis rock progressif, c'est métal, parce que les sonorités sont beaucoup plus pesant, exactement. Et on va avoir le côté aussi plus opeth Mastodon, où ce qui va se mettre à crier un petit peu vers la fin. Okay. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas... ça fait pas si mal. Ça fait pas si mal que ça. Donc, Giants, du groupe Ancients, avec un album dont le nom revient bientôt. Tout à fait. Merci. Donc, c'était Giants, chanson de Ancients, dont le nom de l'album est enfin revenu, Danny. Écoute, c'est Heart of Oak, donc bon. Cœur de chêne. Oui, c'est ça, il y a une thématique nature, chamanique, oui. etc. Oui, mais c'est toi qui disais, juste avoir l'iconographie, on dirait, ça paraît que ça vient de Vancouver, ouais. voyant la pochette qui est magnifique d'ailleurs. Vraiment. Donc oui, effectivement, il y a les cornes de cerf, il y a l'oiseau, le corbeau. Et même dans les paroles, dans les chansons, la thématique de la nature est très présente. Ça, c'était... Puis ancien, tu sais, ancient, ça doit faire les anciens. Rite, oui, effectivement. Et juste dans les titres de chansons, Raise the Sun, Longest River, on a Faith and Oath qui parle aussi de Heart of Hope. En tout cas, bref, vraiment un excellent groupe. Je vous conseille d'aller écouter ça. Si vous aimez, c'est sûr que si vous avez aimé l'extrait qu'on a entendu. J'ai bien aimé, moi. Je vous conseille. Puis elle, c'est vraiment, elle commande deux chaises. Et oui, elle est quand même un peu technique. Il y a un côté heavy, mais il y a le côté aussi un peu plus... là, il y a des gens qui vont maudire à dire ça, mais plus léger que le groupe peut présenter de temps en temps. Donc, excellent band. Ça vient de Vancouver. Ça s'appelle Ancients avec deux I. On s'en rappelle bien. Et voilà, c'était la chanson Giants. Malheureusement, je ne pourrais pas faire jouer autre chanson parce qu'elles sont toutes franchement longues, à part une que c'est une transition. Fait que ça ne donne rien de faire jouer une transition. On ira la découvrir chacun pour soi. Exactement. Mais l'album est disponible en écoute complète sur leur Bandcamp. Ah oui, ça, c'est cool. Donc, ancientriffs.bandcamp.com ou juste, au pire, écrivez-le sur Google. Vous allez trouver ça. Vous pouvez l'écouter au complet. Puis si vous l'aimez, vous pouvez l'acheter également. Excellent. Bandcamp, c'est génial. Oui, effectivement. Vraiment. C'est juste plate. C'est plate pour certains puis pas pour d'autres, mais qu'on peut aller chercher et tout une star sur Bandcamp. Oui, puis tu sais, c'est une façon à un moment donné, là, on peut pas passer à côté de tout ce qui est leak puis de tout ce qui est... Non, c'est ça. Fait que leakez-le vous-même, faites-le écouter au monde, puis ça va les éviter. Au pire, ils vont pouvoir l'écouter une fois sur Internet sans le downloader. Puis par la suite, si ça leur plaît... Tout à fait. Moi, je suis utopique. Ça fait connaître. Ah oui, exact, exactement. C'est quand même important. Il y a bien des bands là, que tu lui dirais, aimez mieux vous faire 100$ ou bien être connu partout sur la planète. Oui, effectivement. Tu sais, parce que, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis ça, l'un vient pas sans l'autre. Non. C'est sûr et certain. Puis de toute façon, je dirais, tu sais, c'est plus facile à l'époque. Moi, je me rappelle la vieille époque Napster. Et tout, où il fallait aller chercher les chansons, puis il fallait aller downloader les chansons, puis là, t'attendais qu'elle arrive. Puis... qualité de shit aussi. Oui, aussi. Là, tout ce que t'as à faire, tu tapes 2-3 mots, paf, t'arrives sur le site, tu payes sur Play. Ça part. Exact. C'est génial. Hey, merci beaucoup, Maxime Tanguay. Merci à toi, Danny. Bonne semaine. Fais attention à toi. Là. Ah oui, écoute, s'il y a de quoi, je t'appellerai et on se parlera de nos dos. Tout à fait. On pourra jaser bien longtemps. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Marie-Laurence Audet, les loisirs bonjour. Bien plus qu'un jeu, bonjour. Exactement. C'est ton surnom? C'est mon surnom. Chaque fois on dit, hey, les loisirs bien plus qu'un jeu! Je dis présente. C'est ça. Et t'es une des privilégiées parce que je suis en train de refaire les intros de l'émission, comme j'ai dit hier à l'émission. Et j'ai travaillé sur la tienne en premier parce que je savais que t'en avais comme pas d'intro. T'en as besoin. C'est un besoin dans ta vie. Chou. Puis je t'ai mis des petits sifflets. Fait voici les loisirs bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence. Bonjour, Mathieu Plante. Marie-Laure Marie-Lay, comme on dit. Exactement. C'est bon dit. Je t'invente plein de surnoms aujourd'hui, ça n'a quand même pas rapport. Donc aujourd'hui, de quoi nous parles-tu, Marie-Laurence? On parle des surnoms de Marie-Laurence. Les surnoms de Marie-Laurence, donc on a déjà deux. On y va en rafale. On fait un top 85. Pendant une demi-heure, oui. En rafale. Malade. Boum, boum, boum. Oui, donc ce matin, moi, je vais vous parler, comme d'habitude, je représente le laboratoire en loisirs et vie communautaire à l'université. Puis je vais vous présenter une recherche qui a été faite sur les loisirs et le temps libre. En fait, ça concerne tout le monde. Vous allez apprendre bien des choses intéressantes. Passez proche, hein? Non, c'est ça. On s'en va réussir. Juste pour faire, dans le fond, une petite mise en contexte, que tout le monde reparte du même pied d'égalité. Okay. Je vais vous faire un rappel sur l'historique un peu de la chose puis du temps libre. Parce que du temps libre, je ne sais pas pour vous, là, mais ça ne pleut pas par ici. Hein? Dans le fond, tout a commencé dans le temps. Là. Il y a eu la révolution industrielle. Mm-hmm. Les gens ils ont quitté les campagnes, sont allés vers la ville parce que c'est là qu'il y avait de la job. OK, on ne retourne pas au début de l'histoire, là, à la préhistoire. Mais non, on retourne un peu plus loin, plus proche. Les dinosaures, petit pied. Fait que là, les gens sont rendus en ville, il y a de la job, sont contents, sauf qu'il y a plus de monde qui veut de la job que de job présent. Ouais. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens peuvent être exploités, ils ne se plaignent pas. Parce que s'ils se plaignent, ben, va-t'en, puis il y en a d'autres qui attendent pour la job. Exact. Vient le jour où est-ce qu'on essaye de légaliser un peu des normes pour que les gens ne soient plus autant exploités. Tu as les lois des normes du travail, 35, 40 heures, pour permettre aux gens aussi un équilibre dans la vie. Donc, d'avoir du temps pour eux, pour leur famille, pour d'autres choses que juste le travail. Puis, aujourd'hui, je vais vous parler précisément du temps libre. Dans le fond, le temps libre, c'est pas compliqué. C'est ce que tu fais en dehors de tout ce qui est tes obligations. Donc, c'est en dehors de tes tâches ménagères, c'est en dehors de ta famille, c'est en dehors de ton travail. C'est ce que tu fais pour le fun. Ce que tu fais pour le fun. Et c'est dans ces moments de temps libre-là que les gens vont faire leurs loisirs. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas juste des loisirs à faire dans le temps libre. Il y a du temps aussi à rien faire. Tu sais, du temps pour soi. À chiller, chillax. À chiller, chillax. C'est ça. Sauf que la problématique, là, si vous mettez dans votre horaire une case pour temps libre. Là, premièrement, si tu fais ça, t'es vraiment fucké dans ton... Ben, c'est ça. Un horaire pour ça, comment? Ouais. Mais logiquement, pour que tu sois équilibré, il faudrait que tu aies du temps comme ça. Okay. Si tu as du temps de même dans la vie, là, tu dis au monde, hey, excuse, wow. Je peux pas, là, en ce moment, je suis en temps libre. Excuse, mais en ce moment, je fais rien. T'es occupé? Je suis occupé à rien ça faire. Pas, c'est mal vu. Mais oui. C'est mal vu, c'est pas bien perçu. C'est comme si tu faisais rien. T'es paresseux. T'es paresseux, c'est l'oisivité pis tout. L'oisivité. Hey, c'est un beau. C'est comme un petit loisillon. L'oisivité, oui. Un petit loisillon. Hey, il va sortir du nid. Ah! Il s'est écrasé. JP! Mais là, les petits oiseaux font ça des fois. Puis vous, là. Puis vous, puis vos oisillons, là. En avez-vous du temps libre? Ça, oui. Ah oui? Ouais, ben oui. Tu penses ça tes cases horaires, toi? Ben, en fait, je refuse toutes les invitations. Je suis supposé aller à des endroits, puis je ne vais même pas. À la disque, puis tout. À la disque. Tu sais, je t'entends libre. Les gamiques, JP, t'es pas allé. Les autres galatés, là. À moitié. Hey, back off. Back off. Oui. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que la première chose qu'on arrive à couper quand on est surchargé, comme dans la société où est-ce qu'on est présentement, le sommeil. Non. C'est qui dort aussi. Le sommeil, c'est pour les faibles. Dormir, c'est ça, c'est pour les faibles. Mais, en ce moment, là, ceux qui dorment, ils nous écoutent pas. Non. Fait que tu vois, une journée de perdu. On peut parler contre eux si on veut aussi. On peut, ils écoutent pas. Les dormeurs. Ils vont peut-être écouter les reprises, par exemple. À la place, on va parler contre les gens qui écoutent les autres radios. OK, ça, c'est le fun. Ça, c'est parfait. Hey, ils diront rien. Puis dans le fond, comme je disais tantôt, on est rendu dans une société où est-ce que tout va vite, où est-ce qu'il y a la production, la consommation, puis tout se calcule au niveau économique. Fait que de rien faire, c'est mal perçu. J'ai un petit quiz pour vous présenter différentes statistiques. Yeah, où sont nos buzzers? Vous faites « ah! » OK. OK? C'est bon, ça marche. Test. Il y a eu des études qui ont été faites entre 1998 puis 2010. Est-ce que vous croyez que le temps accordé aux loisirs a augmenté ou diminué chez les gens? Là, t'as toussé ou t'as fait le buzzer? J'ai fait le buzzer style. OK. Je l'ai pas... Mettons que je te donne la... Oui, à toi! Je vais pas abîmer ma voix. C'est mon outil Cette de travail. Cette voix sensuelle. Je dirais ça a baissé parce que les gens sont de plus en plus rush stress. Hey, un point pour Mathieu! Une des dix réponses les plus populaires. Et bravo, Mathieu! Ouais! Le prochain, c'est mérite des billets. C'est combien? C'est quand 5 000 c'est quoi? Ah, mais là, faut que tu en finale. Ah okay. Oui, t'as pas encore gagné. Y a-t-il un nouveau char au Québec? On a dit un char à regarder quand? J'en ai 28. 28 chars. Oui. Donc, la radio, c'est fou. Faites tirer un char après la pauvre. Et après ça, on donne l'argent au Noël du pauvre. C'est comme super ironique. Pareil. C'est ça. Okay. Maintenant, est-ce que vous croyez que c'est les hommes ou les femmes qui consacrent le plus de temps à des loisirs dans leur temps libre? Bah, vas-y, Mathieu, tu connais toutes les réponses. oui, Mathieu. Les femmes. De quoi de réplique, Jimmy? Les hermaphrodites. Du premier coup, Jean-Philippe, bravo. Bravo. Ce sont les hommes. Selon le sondage qui a eu lieu, c'est les hommes qui consacrent le plus de temps à leurs loisirs dans leur temps libre. J'oubliais que les gars, ils regardent des matchs de sport, ça compte. Hein? Ils jouent au golf. Puis les femmes font quoi? Ben, les femmes acceptent que les gars aillent regarder des matchs de sport. L'acceptation, ça, c'est pas dans les étapes de temps libre. Maintenant, c'est qui les clientèles? Quelle tranche d'âge qui a le plus de loisirs? Ou le moins de loisirs, dépendamment de comment vous voulez répondre à la question. Mathieu s'étouffe encore. Les 0 à 17 ans. Tu penses que les 0 à 17 ans ont plus ou moins? Plus de loisirs. En fait, les jeunes, comme la clientèle que tu viens de nommer, ainsi que les aînés sont ceux qui en ont le plus. Ben oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est la tranche milieu qui en a le moins parce qu'ils sont beaucoup occupés à élever leurs enfants, à travailler plus parce qu'on besoin de plus d'argent pour leurs enfants. Pour faire de la poudre, pour faire plus de cash, pour faire plus de poudre, pour faire plus de cash, comme ils disent, c'est ça? Et moi, j'ai pas dit ça. Pas dit ça non plus. j'ai jamais dit ça. Fait que comme je disais tantôt, présentement, c'est mal vu en société de rien faire, d'avoir du temps pour soi, puis c'est les premières choses de couper. Donc, les gens, ils devraient prendre ce temps-là pour être équilibrés, pour mieux livrer, parce que tantôt, je parlais d'une raison économique. Il a été prouvé que Si les gens avaient plus de temps à eux, de temps libre, où ils n'étaient pas dans leurs obligations, ils seraient, lorsqu'ils seraient en travail, plus productifs, plus motivés, plus équilibrés, plus reposés parce qu'il y a eu du sommeil. Mmh. Là, on parle de ceux qui dorment pas en ce moment, là. Puis à ce moment-là, économiquement, ils seraient plus rentables. Donc, à vous, chers administrateurs capitalistes, donnez du temps libre au monde. Donnez généreusement. Donnez du temps libre. On a un bac pour le temps. Oui, c'est ça. On accumule ça sans cesse, oui. Oui. Puis une dernière chose que je voulais apporter par rapport aux différents temps libres, il y a aussi des études à savoir, parce que les loisirs ont lieu dans ces périodes-là, c'est quoi les loisirs qui étaient le plus pratiqués présentement? Est-ce que vous pensez que c'est plus dans le secteur culturel, sportif? Facebook compte-tu? Oui, Mettons, j'en nomme deux, puis la réponse est dans les deux. Je pensais que c'est lequel où les gens passent le plus de leur temps de loisirs, dans le secteur culturel ou sportif? C'est moi. En train de mourir? Oui. Moi, je vais y aller avec culturel. Je réflexe, Mathieu. Si j'avais eu à répondre, honnêtement, j'aurais répondu aussi culturel parce que ça englobe beaucoup de choses, alors que les sports, c'est vraiment très serré dans cette définition. C'est tight. Mais je vais dire, oui, c'est tight. Je vais dire les sports. C'est le milieu sportif. L'explication présentement, c'est que la société valorise beaucoup les saines habitudes de vie. Ah oui. Donc, ça rentre là-dedans d'être en forme, de bien manger, d'être bien équilibré. Bencher 400. Douchebag. Nous les saluons. Oui, ils nous écoutent pas non plus. Ils dorment. Ils dorment, puis écoutent d'autres radios en même temps. C'est ça. C'est nos prefs. C'est pour cette raison-là que c'est le milieu sportif qui est le plus pratiqué dans les temps libres, parce que les gens, par la vision présente de la société, sont beaucoup axés sur les saines habitudes de vie. Ça a du sens. Sauf que de génération en génération, d'année en année, avec les différentes réalités, ça peut changer. Il y a déjà eu un temps où c'était le plus culturel, et maintenant c'est plus sportif. Donc, à voir les tendances dans les prochaines années. Mm-hmm. N'oubliez pas de garder du temps libre pour vous. Nous sommes plus en onde pour les 10 prochaines minutes. C'est tout? Mais oui. Ben voyons donc. C'était un punch du matin. C'était comme un divertissement, mais court. Ben oui, c'est parce que je suis occupée à aller rien faire après. Et il va ouais, c'est ça. Tu l'expliques comment t'as rien à faire, mettons, là, que tu t'en vas faire, là. Je vais rien faire. Rien faire pendant tout. T'es vaché, chillaxé. Je vais manger mes prats. Je vais t'occuper à manger mes prats. À place de faire des reps, tu fais des prats. Pas des pets, des prats. Ah, là, ça, c'est une joke de pet, là. Non, non. Mathieu est tellement douchebag. Protéines. Marie-Laurence Audet, on retrouve dans deux semaines. Tu vois, j'ai rien dit. Mardi, à 8h pour notre chronique. Le loisir, bien plus qu'un jeu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien oui, vous êtes toujours dans le dîner de cons, et puis ce que vous entendez, écoutez ça. Ce qu'on entend, eh bien, c'est que vous êtes en train d'écouter la plus vieille chanson du monde, selon un chercheur spécialisé dans l'archéologie musicale qui a réussi à reconstituer une chanson à partir d'une partition musicale datant de la Grèce antique. Cela, justement, en ferait la plus ancienne jamais découverte. Si on savait que la musique existait déjà il y a plus de 2000 ans, on n'avait encore jamais pu entendre les harmonies. C'est désormais possible grâce à Armand Angour, et non Normand Damour, un archéologue de la musique et professeur d'université à Oxford, qui a donc réussi à ressusciter les mélodies que l'on pouvait entendre dans la Grèce antique. Il s'est pour cela appuyé sur des documents datant de 450 avant J.C., comportant des notations musicales sous forme de symboles placés au-dessus des voyelles. Donc, imaginez que dans 2500 ans, il ne reste plus que des chansons des Beatles, que quelques textes, idem pour les œuvres de Mozart ou Verdi. Imaginez comme ce serait excitant d'en reconstruire la musique, de retrouver leur instrument et de réécouter ses paroles dans le leur état originel. C'est ce qu'a expliqué le chercheur à la BBC. Afin de reconstituer les mélodies de l'époque, se passionner de musique ancienne, c'est d'abord intéressé au rythme, alternant les syllabes longues et courtes. Il a pour cela travaillé avec l'épitaphe de Sékilos, une partition complète comportant des textes et des musiques retrouvées sur une tombe du 19e siècle près d'Éphèse en Turquie. Il a ensuite, avec l'aide de David Kreese de l'Université de Newcastle, reconstitué un instrument qui pourrait s'apparenter à une sitar. Pour les paroles, Armand Dangour s'est simplement appliqué à retranscrire puis à traduire les inscriptions qui étaient gravées sur la stèle. « Tant que tu vis, brille, ne t'afflige absolument de rien. La vie ne dure guère, le temps exige son tribut. » Ça, c'est les textes. Interrogé à propos du résultat final, le morceau, le chercheur a précisé que la musique était finalement loin de celle que l'on connaît dans le monde occidental et plus proche des traditions indiennes et moyen-orientales. Ah, ben, en tout cas, c'était ce qu'on entendait à l'oreille. Sinon, accro à la cigarette à 2 ans, Aldi Rizal est aujourd'hui dépendant à la nourriture. Je sais pas si vous avez déjà vu ce petit garçon-là, mais ça fait pitié, mais en même temps, c'est drôle. Mais c'est triste de voir son père. En tout cas, on voit un gros manque de jugement là-dedans, mais vous allez voir. Donc, en 2010, le monde découvrait Aldi Rizal, un curieux bambin de 2 ans qui était totalement accro au tabac. Fumant alors l'équivalent de deux paquets par jour, ce petit Indonésien originaire de Sumatra avait provoqué un véritable tollé sur le web avant d'arrêter, quelques mois plus tard grâce à des séances de psychothérapie. Depuis, Aldi n'a jamais retouché une cigarette, mais il a en revanche développé une nouvelle addiction, l'addiction à la nourriture. Un mal bien connu des fumeurs repenti qui a fait son apparition pendant le sevrage du jeune enfant, rapporte le Daily Mail. Alors que les psychiatres l'encourageaient à réduire sa consommation, Aldi a commencé à connaître des fringales régulières. « Je ne lui donne plus de cigarettes, mais il mange beaucoup », témoigne Diana, la mère d'Aldi. Dans un documentaire de la chaîne britannique TLC consacré à son histoire, avec autant de monde vivant à la maison, il est difficile de l'empêcher d'aller manger ou de trouver de la nourriture. Maintenant que son addiction à la cigarette n'est plus qu'un lointain souvenir, ses parents ont sollicité un nutritionniste pour qu'il commence à perdre du poids. Aldi est très en surpoids, explique la nutritionniste Francesca Dewey. Son poids idéal se situe entre 17 et 19 kilos et il est déjà à 24. Je pense que cela va être difficile de lui redonner de bonnes habitudes. Sa mère dit qu'Aldi est un enfant gâté. Elle risque d'avoir du mal à lui interdire à manger. Aïe, aïe, hein? Elle aura besoin de la coopération de l'ensemble du ménage, poursuit-elle. Une des choses évidentes et qu'il lui fasse consommer trop de lait et trop de glucides, trop de lait condensé. OK. Du lait condensé, là, c'est sucré solide. Hein? Aujourd'hui, Aldi est soumis à un régime strict et pourrait retrouver une morphologie normale au moment de ses premières poussées de croissance. Et ses mésaventures n'auront pas servi à rien puisque le gouvernement indonésien a récemment lancé une vaste campagne visant à réduire le tabagisme chez les plus jeunes. Dans ce pays, près de un tiers des enfants fument leur première cigarette avant 10 ans. C'est jeune, un petit peu trop jeune. Et puis, tiens, on change-tu de sujet? Non, on va rester dans la fumée de cigarette et dans l'inutile, vous allez voir, totalement inutile. C'est une tortue chinoise qui fume 10 cigarettes par jour. Elle a arrêté de fumer, par contre, ça ne doit pas être si difficile. Hein? Tu fais juste plus y en donner. Hein? C'est dans la campagne chinoise, une tortue alligator est tombée accro à la cigarette alors que son maître lui retirait un bout d'os de poulet coincé sous la carapace. OK. Selon les médias chinois, dans un village à la périphérie de Changchong, vit une tortue alligator accro à la nicotine qui fume environ 10 cigarettes par jour. Le propriétaire de la tortue dit qu'à chaque fois qu'il sent le besoin de fumer une cigarette, le reptile devient agité et commence à siffler. Alors, comment une tortue devient accro à la cigarette? Eh bien, un chef local surnommé Tang, qui aide le maître de la tortue à en prendre soin, dit que tout a commencé il y a environ 2 mois, quand il a remarqué que l'animal avait perdu tout intérêt pour son alimentation quotidienne. Après avoir inspecté le reptile, il a remarqué qu'il y avait un os de poulet forte logé. Okay. Dans son ventre, sous sa carapace, mais quand il a essayé de le sortir, la tortue a mordu sa main, presque à lui en couper les doigts. Tang a réalisé la seule manière qu'il pourrait utiliser pour prendre l'os était de la distraire. Il a donc pris la cigarette allumée qu'il avait en bouche et l'a donnée à l'animal pour qu'il la morde. Ses mâchoires ont mâchonné le filtre et l'animal n'a pas lâché pendant des heures. L'idée s'est montrée efficace. Et l'homme a pu alors déloger l'os tranchant. Mais ce que Tang ne savait pas, c'est que cela allait peut-être conduire à d'autres problèmes. Le lendemain, Tang s'est assis sur une chaise près de la tortue alligator et a allumé une cigarette après sa journée de travail. Après avoir vu la fumée, le reptile a rampé jusqu'à lui, si bien que l'homme en a allumé une autre pour sa tortue. Seulement depuis, la tortue est devenue accro et les deux font souvent leur pause cigarette ensemble. OK. Aussi, quand le reptile reçoit pas une cigarette, il commence à pousser des sifflements et suit Tang partout. Il va en rampant jusque sur lui, jusqu'à ce qu'il obtienne la nicotine dont il a envie. Cela était amusant au début et Tang explique au Chang Chong Evening News qu'il se sent aujourd'hui responsable de l'addiction de la tortue à la cigarette, surtout qu'il n'a pas les moyens d'entretenir cette dépendance. Il dit d'ailleurs qu'il est prêt à recevoir tous les conseils qui pourraient aider sa tortue à arrêter la cigarette. Bonne idée, tu arrêtes de y en donner. Tout simplement. C'est quand même une tortue, sinon, ben, va la mettre dehors, là, s'il y a assez trop. Je sais pas. Fais-y faire un album, tu sais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici la course au trésor. C'est la course au trésor avec Ingrid Arneberg. Bonjour. Oui, petit ragoût de nouvelles aujourd'hui. Donc, comme au bulletin de nouvelles, évidemment, animé par quelqu'un qui se prend une action internationale, mais qui ne l'a pas pour toutes. Oui, ça, c'est vraiment pas international. C'est vraiment, non, vraiment même pas. Moi, je flirte avec encore l'incompréhension. Avec Donc, ragoût de nouvelles aujourd'hui, oui. Et on a plein de sujets vraiment des plus variés, là, comme la semaine passée, finalement. Oui. Mais c'est pas aussi funky que le colorant jaune du Kraft du Nord. Non, parce que ça, s'il y a un sujet funky, c'est bien le colorant. C'était le colorant. C'est ça. Non! Depuis ce temps-là, j'en ai le goût. Oui, c'est de crème de neige. OK, pas le colorant. Non. Okay. Mais le crème de neige au chou-fleur? Non. Ah, le classique. Non. Les coquilles. Oui, les coquilles. Et le fromage blanc, on l'a dit la semaine passée. Fromage blanc, il est vraiment écœurant. C'est vraiment mon préféré. Ben, les coquilles, c'est mon préféré. Avez-vous essayé celui au Velvita? J'ai détesté. Non, mais j'ai jamais essayé celui au coquille ou au fromage blanc. C'est la même chose? Non, c'est trois fromages, je pense, ouais. Coquille. Oui. Bon, ben, à essayer. Oui, c'est rendu une chronique culinaire. Oui, cette affaire-là. Putain, on n'est pas jeudi. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait vraiment dévier. Oui. Bon, donc, saviez-vous que la Commission scolaire de Montréal a décidé d'abolir le mot « père » et le mot « mère » de ses formulaires? C'est quoi? C'est gardien parental genre varié? Parent. Parents. Est-ce que c'est à cause de l'émission? Oui, c'est ça, à cause de ça. C'est clair. Radio-Canada est tellement une grande portée. Je suis encore complètement coupé, t'avais une blague avant. Non, c'était pas une blague. Je me demandais si c'était à cause des couples homosexuels. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment à cause de ça. La Commission scolaire de Montréal, elle a décidé d'être plus inclusive. Donc, elle a rayé tous les mots père et mère de tous ses formulaires. Elle a remplacé par le mot parent. Mais c'est pas un peu comme zélé, étant donné que dans un couple gay, c'est des pères pareils. C'est des mères pareilles, non? C'est des parents, c'est parce que après ça, c'est que tu mettais père, tu mettais mère. Ouais, OK. Mais là, c'est parents. OK. Mais c'est pas le premier organisme à faire ça. Il y avait eu aussi, en 2002, suite à la loi sur l'union civile et les règles de filiation, le directeur de l'État civil avait fait modifier tous ses formulaires. Donc, le mot « père » et le mot « mère » n'existaient plus aussi. Où il s'était adapté afin de ne pas avoir de différence au niveau des sexes pour inclure les couples homosexuels. OK. Ben oui, je peux ça, comprendre, ouais. Mais parce que même les enfants de parents gays vont dire qu'ils ont deux pères ou deux mères. Donc, sur le formulaire, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une colonne de cases « père, mère, autre » et « père, mère, autre » à droite? Pourquoi « autre » Ben parce que ça pourrait être quelqu'un qui est entre deux, c'est ça. Mais ça reste ton père ou ta mère. Ouais. Ben d'abord, juste père et mère. D'abord, Mais non, mes parents est beaucoup plus inclusif. Parents est beaucoup plus neutre. Ouais. Puis t'as-tu vraiment besoin de savoir le sexe de la personne? Pas vraiment. Non, c'est sûr. C'est sûr. Expliquez de même, t'as raison, je pense. Mais la décision a fait suite à la demande de la coalition représentant les parents lesbiens, gays, bisexuels et transgenres. Donc, le hôte. Mais en fait, transgenre, c'est des gens qui ont... C'est vraiment plus complexe que ça, transgenre. Puis transgenre, tu sais, transsexuel, il y a vraiment toute une gradation. Là, une hiérarchie. Ou travesti. Mais plus ou moins, c'est la façon dont toi, tu interprètes ta sexualité. Ou est-ce que je suis un homme dans le corps d'une femme? C'est ça. Et... Ben, tu sais, c'est comme on dit LGBTQ, là, tu sais, le Q pour en questionnement, genre, tu sais, peut-être. Ah, il y a le Q maintenant? Oui, ben, ça dépend des gens. Il y en a beaucoup de variations sur l'acronyme. Là. Mais LGBT, ouais. Ouais, des fois, ils mettent un Q. Oui, des fois. Ben, des fois, ils n'ont pas de encore plus inclusif, ça fait encore plus rainbow, exactement. Là, arc-en-ciel. Donc, la coalition des familles homoparentales a salué la décision à l'unanimité de la commission par voie de communiqué. La mesure va permettre de renforcer le sentiment d'appartenance, de fierté à l'égard de leur famille chez les enfants qui sont issus de familles qui sont homoparentales ou homosexuelles, là, c'est comme tu le vois. Donc, ils vont se sentir plus inclus, moins discriminés, parce qu'ils sont plus fiers. C'est ça, moins rejet, moins rejeté. Oui, oui. Fait que, ainsi, les écoles de cette commission scolaire-là vont rendre compte d'une réalité familiale qui représente tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans une famille homoparentale. Et on avait dit en 2002 que l'État civil avait changé tous ses formulaires. Mm-hmm. Ça a été les premiers à le faire. Mais sur les déclarations de naissance, est-ce que vous saviez qu'il faut désormais inscrire le nom des deux parents et au bout de la... T'as une ligne, c'est marqué le nom du parent, puis au bout de la ligne, tu coches si t'es le père ou si tu es la mère. Mm-hmm. Et ça, pour les deux noms. Ce qui fait que tu peux cocher... Un peu comme j'avais suggéré tantôt. Ouais. C'est ça. C'était pas mal ce que j'avais dit, finalement. Ouais. Mais c'est pour ça que j'étais comme... Je connais la réponse. Mais... Non, je suis célèbre pour mon volage de punk. Mais non, mais c'est correct. Mais donc, quand tu sur une déclaration de naissance, t'as vraiment la liberté, puis c'est vraiment plus inclusif de mettre... Ben oui, il y a deux pères, ou c'est deux mamans, ou... Une paire de pères. Une paire de pères. Effectivement. Royal Flush. Royal Je sais pas c'est quoi. Un poker? Moi non. Je sais pas jouer. C'est quelqu'un qui arrête pas là, sur Facebook de poker. C'est Lady Gaga. Je connais ça. Je pense que c'est tes oncles qui étaient tendres qui n'ont pas compris le principe. Ouais, c'est out depuis comme 5 ans. Depuis que c'est créé, c'est ça. Finalement. Ils savaient pas comme une connotation sexuelle cette affaire. Oui, ben oui. Si tu poke quelqu'un, c'est que tu veux coucher avec, mais c'était de même au début. Là. Oh merde, j'ai poké tous mes amis. Oups. Puis la famille, ça tombe bien. Donc, autre sujet, l'ourson qui surveille votre poupon. Oh! Ouais, il y a une compagnie allemande, une start-up, qui pour répondre à la nouvelle tendance, là, qui est la mesure de soi moyen de gadget high-tech, ce qu'on appelle aussi le quantified self. C'est pas mal ça. C'est les affaires de montre qui comptent les calories que tu manges, puis les pas que tu fais, puis bon. Exactement. Même bon, chose. Mais là, ça atteint un autre niveau, là. On va au niveau de bébé. Ouais. Ok, vraiment. On descend vraiment, tu sais, à même pas un demi-mètre du sol. Non, non. On est aux chevilles de la société. Donc, c'est une compagnie bernoise, comme je disais, Baby Watch, qui a conçu un ourson qui est connecté à une application mobile pour suivre l'évolution de la santé de son petit bébé. C'est un ourson. Il a vraiment l'air d'un vrai ourson sympathique. Là, Teddy Bear, poil. Classique. Ouais. Il s'appelle Teddy, justement. Ah, bon. C'est T-E-D-I. OK, là, c'est plus genre plus extreme avec un I à la place de 2D puis un I. Ben oui, non. C'est plus jeune. C'est ça, plus inclusif. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est surprenant que ce soit pas genre T-E-H-D-D-I, tréma, E. C'est comme les nouveaux prénoms, là, tu sais, genre. Que tu vas jamais sur une tâche, c'est un Russ, là. Teddy! Déjà qu'il me grille, là, tu trouves vraiment ça nulle part. Angry Birds! Fait que je suis contente de pas être toute seule maintenant. C'est vrai. C'est joli, Ingrid. Merci. C'est mon papa qui l'a trouvé. Donc, Teddy, qui est doté d'un suivi vidéo et sonore. En plus, il va suivre l'évolution des aptitudes motrices, de la température corporelle. Il va permettre aussi de suivre les cris, le pouls puis le sommeil de son enfant. OK? C'est assez fou. Je suis vraiment impressionnée. Il y a une application qui permet de faire apprendre. Teddy va dire des mots à ton enfant, des mots que tu as choisis. Fait que tu peux faire apprendre des mots via l'ourson. OK. Et il y a aussi une application qui permet d'évaluer la raison pour laquelle l'enfant pousse un cri. Donc, il y a comme un capteur qui va permettre de reconnaître les cris. Comme les Simpsons. Oui. Pour une fois, c'est moi qui fais référence des Simpsons. Ouais, ouais, pareil pour hier, deux apparemment, ça n'a pas été réussi. Ah non, hier, non. T'écoutes, hein? Moi, j'étais là, mais Max Power! Il fait trouver ça à cause du séchoir. Oh, c'est drôle. Il fallait être là. Mais oui, fallait. Mais ton petit teddy bear, là, ouais. Si, mettons, quelqu'un commet des crimes, j'imagine que les preuves vont pouvoir être envoyées au FBI parce que ça enregistre toutes tes conversations, puis la compagnie se réserve le droit de partager ça avec les compagnies qui veulent. Sûrement. J'ai même pas pensé à ça. Des applications d'espionnage, là. En plus, c'est des Allemands. C'est des enfants. Ça évalue les cris de ton enfant. Moi, c'est ridicule, là. Va le voir au lieu de, genre, checker sa machine, si c'est comme les couches ou. C'est comme quand t'étais jeune, tu sais, la boule noire, là, que tu peux checker, puis là, ça te disait les réponses. C'est peut-être juste ça, c'est un algorithme. C'est comme, oh, il est 7h, bon, il doit avoir faim. Ah. Ben, sûrement, en tout cas, c'est vraiment ridicule. Là. On dirait un Tamagotchi aussi. Oui. Hey, mais ton enfant devient un Tamagotchi. Maman, prends un autre. OK, bonne couleur. C'est ça, ça coupe le lien par enfant, je trouve. Oui. Le bonding est vraiment par plus là. Mm-hmm. Oh, ouais, regarde où ça, là. Le Teddy va passer au stade de prototype à produit en janvier 2014. Donc, il va sortir de son stade prototype dans lequel il est en ce moment. Pour être en vente. Oui. Il va être disponible au prix de 99$ et il peut déjà être précommandé. Wow! Mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Cet été, il y avait une autre compagnie qui avait fait le Teddy The Guardian. Genre, Teddy l'ours. L'ours de gardien, hein? Ouais, ben, le gardien. Ouais, gardien des gars. Mais Teddy, T-E-D-D-Y. Ah, pas original. Ouais, le classique. Ouais. Je pense qu'ils sont plus américains ou anglophones, anglo-saxons que germano. Teddy Ruxpin, tu te rappelles? Il était plus vintage, celui-là, il synchronisait avec les Padgett. Bref, c'était un ourson en peluche qui était fait en coton et en laine bio. Il est équipé de capteurs qui peuvent mesurer, attention, la fréquence cardiaque, la tension, l'oxygénation, la température de l'enfant. Tout ça relié par Bluetooth au téléphone intelligent des parents. Puis ça faisait déjà, genre, grand bruit cet été. Mais ça, là, c'est sûr que ça bug, là. Ça doit être un... Non, mais il doit avoir des petits bugs, tu sais. Ça marche à batterie, à un moment donné, ouais. C'est plus faible. Là, tout à coup, tu ne reçois plus rien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur l'autre Bluetooth. Puis là, c'est en conflit. Ça doit être stressant, tu sais, ça mais sonne, c'est comme un arrêt cardiaque. Ton enfant, ah, ça qu'est-ce que ça me fait halluciner. Ouais. Je peux pas croire que ça existe. Ah, puis pendant ça, là, ils écoutent les parents à télé. C'est ils ça. Font comme Marc, c'est le fun. Parents. Mais c'est triste, pareil, de voir que t'es rendu là, mais tu vois, dans mes stages, je m'étais rendu dans une maison, puis la maman venait d'accoucher, mais tu sais, elle a eu ses enfants en back-à-back. Là, l'autre avait presque à peine un an, là. Et elle avait une espèce de, tu sais, les petits appareils que t'entends, les cris de bébé. Là. Les CB de bébé. Ouais. Tu sais, il est en bas, puis là, toi, t'es en haut, fait que t'as le petit moniteur avec caméra. Oui. Wow. Yeah. Elle pouvait voir si son bébé, il était juste en rêve ou si il se levait dans son lit, puis là, il était comme en crise. C'était fou, là. Mmh. Je capotais. Mais ça, déjà, tu sais, je comprends en plus. Oui, c'est... Ouais. Tu sais, parce que tu peux pas tout entendre non plus. Ça se peut, tu sais, si ton bébé a le syndrome du truc de... Oui, mais avec le bébé caméra. Qui meurt parce qu'il était sur la le dos. La mort subite du ouais, c'est ça. Ouais. C'est sur le ventre. Sur le ventre, ça, je dis. Mais ouais. Mais apparemment, il y a des nouvelles études par rapport à ça. Okay. C'est en passant. Là, je m'excuse. Je non, dis-moi bon point, puis je vais bien comprendre. Mais la mort subite du nourrisson, à un moment donné, il avait dit ah, les parents qui fument, vous, ça cause plus de chances que ton bébé ait la mort subite du nourrisson. Mais là, il y a des nouvelles études qui parlent des problèmes au niveau du tube neural. Est-ce qu'on va entendre parler de spina bifida? Je sais pas si j'entends. Mm-hmm. Oui, ça veut dire que le tube neural se ferme pas bien. Fait que des fois, tu peux même avoir un trou avec la moelle osseuse que tu vois. Là, c'est particulier. Ouais, ouais. Mais souvent, c'est détecté en grossesse et tout. Quand tu fais le prénatest, là, quand les mamans sont enceintes, il est offert un test sanguin pour la trisomie. Souvent, on dit, ah, c'est le prénatest, c'est le triple test, ils te font deux fois des prises de sang. Il y en a qui veulent pas le savoir, il y en a qui veulent le faire. Oui, mais c'est offert, c'est au niveau québécois, excuse. Okay. Et tout le monde peut passer ce test-là s'ils veulent. Et ils font pas juste regarder pour la trisomie 21, ils regardent pour la 18, la 13. Et ils font également les au niveau du tube neural. Donc, tout ce qui est possible, spina bifida. Et apparemment, les problématiques au niveau de ce tube neural-là pourraient augmenter les chances avec la mort subite du nourrisson. Mais ils comprennent vraiment pas ce qui se passe. Et ils sortent tout le temps plein d'études. Ils sortent tout le temps... À un moment donné, c'était environnemental. Là, ça serait peut-être un gène ou une façon que tes neurones, ils se connectent plus ou moins. Il y a des ponts qui se font pas. Fait qu'à un moment donné, pouf, ça déconnecte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très mystérieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un enfant arrête de respirer, arrête de vivre carrément? Ils savent pas. Mais tu peux pas, tu peux plus ou moins prévoir, là. Puis même si tu essaies de réanimer, la plug est tirée. Donc, c'est pas d'avoir une caméra qui va t'aider à la... Non, mais quand même, c'est ça. Mais je comprends ton point en arrière. Le processus de raisonnement. Je trouve ça intéressant. Ça m'a amené ailleurs. Oui, mais j'aime ça. C'est un complément. Ben oui. Et là, petit punch, est-ce que faire l'amour est un exercice efficace? Ben, avec tout ce que j'ai dit comme histoire de calories brûlées lors de, je me dirais que peut-être que oui. Légèrement. Légèrement. Il faut rajouter un adverbe. Oui, c'est comme ça. Ça reste plus flou. Mais pas échéant. OK, si je compare ça avec un jogging, lequel qui est plus efficace? Un jogging d'une demi-heure à peu près. Puis, mettons, faire l'amour, en moyenne, c'est 25 minutes. Est-ce que tu vas avec le jogging? Ouais, jogging. Jogging. J'y vais avec la famille. Christy, que vous êtes wise. Hey! Et puis là, je pensais faire l'amour, ça vous aurait fait plus de jokes. Matin. Je ferme le fond, je ferme les micros, puis on y va. Sexy kinky time. Okay. Là. Puis si, mettons, tu fais l'amour pendant que tu fais le jogging? Oh! Oh, j'ai de la misère à l'imaginer. Là. Ben, ouais, moi aussi, là. Qu'est-ce que t'as fait sur un treadmill? Excuse-moi. C'est une étude canadienne qui a démontré que faire l'amour permet de brûler des calories, mais pas autant qu'un jogging. Donc, ce que ça permet d'évaluer, c'est qu'un rapport sexuel permet à l'homme de dépenser environ 4,2 calories par minute et c'est 3,1 calories par minute pour la femme. Peu importe, l'homme va dépenser plus de calories, que ce soit en jogging, que ce soit en faisant l'amour. Donc, c'est plus facile de perdre du poids pour un gosse, ça? Clairement. D'accord. C'était dans le cadre de relations hétérosexuelles avec des gens qui étaient jeunes et bien portants. Donc, ils ont pris, c'est à Montréal que ça s'est fait, ils ont pris 21 couples hétéros, âgés entre 18 et 35 ans, qui avaient des relations sexuelles en moyenne de 25 minutes. Bon, ça allait de 10 minutes à 1 heure, là. Y en a qui étaient plus quickies que d'autres. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient les candidats, ils mettaient un petit capteur au bras, puis là, ils les envoyaient faire un jogging d'une demi-heure. Puis là, ils revenaient. Puis là, ils disaient, allez faire l'amour! Mais gardez votre capteur. Mais je crois que puis prenez votre douche. Ouais, c'est ça. Entre-temps, fait qu'ils envoyaient, fait qu'ils faisaient l'amour dans la même journée. Puis ils comparaient les données à ce niveau-là. Fait que, en tout cas, puis le jogging servait de référence, si vous voulez. Là, un petit peu sur, avec un jogging qui est quand même une activité physique de... T'es sûr d'avoir une dépense calorique. Ouais. Fait que là, à partir de ça, tu peux comparer avec au niveau sexuel, qu'est-ce que tu peux dépenser. Donc, un jogging d'une demi-heure, c'était 9,2 calories par minute chez l'homme et 7,1 pour la femme. Le double. Ben oui, parce que c'était 4,2 au niveau des relations sexuelles, puis 3,1 au niveau. Fait que ça dépend sûrement que la position va avoir un impact. Tu sais, mettons, quand tu fais le missionnaire, il y en a un qui se dépense sûrement plus que l'autre. Probablement. Là, on s'entend. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, en tout cas, bref. On veut savoir, rappelez-nous sur la hotline. Oui. C'est plus rouge. Mais voilà, c'était tout. Ah, c'est bon. Mais j'ai besoin d'une cigarette. Oui. Les trois. Oui, c'est ça. Pour revenir à mon jogging en faisant l'amour, hein, c'était des gens bien portants. Ils se portaient entre eux en jogging. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une course, hein? Ben, ça me fait penser à ça, mais ils font pas l'amour, là. Mais il y a une course, c'est tu portes ta femme sur ton dos. Tu gagnes son poids en bière, là, pour vrai. C'est ça? Oui, c'est pas de blague. Ouais. Si tu gagnes son poids en bière. C'est pas nécessairement ta vraie femme. Il y en a qui s'inscrivent avec leur meilleur ami. Là, ils prennent la plus petite, là. Puis tu cours vraiment avec. Puis il y en a qui ont des techniques, là, en poche de patate. L'autre, des fois, c'est comme quasiment à l'envers. C'est vraiment... L'autre en pièces détachées. C'est dans un sac. Oui. Un bras dans chaque bras. En dessous du bras. C'est une baguette. Miam. Ouais. Un bon bras au beurre. Oui. Ingrid Ardenberg, on se retrouve toutes les semaines, les mercredis à 7h35 environ, à Assemblage Requis. Oui! Merci! Ça fait plaisir, c'est tout le fun. Vraiment, très le fun. Oui. Mimi Van Der Glo nous offre une pièce en lien avec ta chronique, hein, parce que, tu sais, après le sexe, plus je crie. Malade. Plus je crie, plus tu... Parfois, on s'en j'écoute la nuit qui rentre. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une thermopompe. qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe. Dans froid, dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle d'une habitante de la Floride qui a décidé de renouveler ses vœux avec qui? Avec Bruce. Mais qui est Bruce? C'est une grande roue qu'elle a épousée l'an dernier. Eh bien oui, après le mariage pour tous, voici le mariage pour tout. Selon les informations du New York Daily News, Linda Ducharme, une Américaine de 55 ans, a renouvelé la semaine dernière son union avec Bruce, une grande roue du parc d'attractions. D'un parc d'attractions, on ne nous dit pas lequel, peut-être qu'elle ne veut pas se le faire voler, elle est jalouse. Devant un prêtre, la cérémonie a été diffusée sur la chaîne Logo TV. OK. Je vous attache de la chair à l'acier, a déclaré le prêtre durant la cérémonie. Lors d'un carnaval en 1982, Linda a rencontré pour la première fois Bruce. J'ai eu ce sentiment bizarre que je ne pouvais pas expliquer. Mon cœur battait la chamade et chaque fois que je montais sur la plateforme de Bruce, mon objectif est de passer le reste de ma vie et vieillir avec lui, a-t-elle confié à Logo TV. Linda était déjà tombée amoureuse d'un avion quand elle était pilote et avait entretenu une relation intime aussi avec un train. Est-ce que vous connaissez My Strange Addiction? Ou, je sais pas, hein? Il y a un problème, là. Non, mais gars, ça me fait rire. En même temps, je trouve ça... OK, sans plus, on passe à un autre sujet. Non, mais gars, sérieux. Mais ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Tu sais, en plus, elle était déjà tombée en amour d'un avion. Bruce, il l'a pris comment? Ça, quand il a appris ça, hein? Puis elle a entretenu une relation intime avec un train. Moi, j'aimerais voir les images de cette relation. C'est ce qu'on veut voir sur la table tout de suite. Madame Chose qui se fait par un train, hein? Il y en a des fois qui disent, il y a juste le train qui n'a pas passé dessus. Ben elle, il a passé dessus aussi. Même la grande roue puis l'avion. OK, trêve de complètement... En tout cas, c'est complètement ridicule. On va parler ici de jalousie. C'est une dame qui est jalouse. Elle passe son fiancé au détecteur de mensonges quand il sort, à chaque fois qu'il sort. Elle n'est pas comme notre petite madame, là, Linda Ducharme. Là, elle l'a, là. Une Anglaise de 42 ans, complètement paranoïaque, ne supporte pas que son fiancé sorte seul. La seule façon pour elle de calmer un peu ses angoisses et sa jalousie, c'est de le faire passer au détecteur de mensonges. Oui, c'est un bien étrange traitement que fait subir Debbie Wood, une Anglaise de 42 ans, originaire de Leicester, à Steve, qui est son fiancé. En effet, comme le rapporte le site du quotidien, eh bien, voilà 2 ans que Steve vit sous le joug de Debbie et de son détecteur de mensonges. À chaque fois que le jeune homme de 32 ans abandonne leur petit nid d'amour, eh bien, il est systématiquement soumis à un véritable interrogatoire digne d'une enquête policière. Debbie n'y peut rien, c'est plus fort qu'elle. Elle est jalouse extrême, couplée à de la paranoïa. Elle ressemble au fort syndrome d'Othello, un trouble psychiatrique caractérisé par une préoccupation constante et malsaine à l'infidélité. D'ailleurs, cette préoccupation ne se limite pas au seul détecteur de mensonges. Debbie lit tous les textos de Steve, vérifie ses poches, analyse à la loupe ses relevés bancaires et lui interdit de regarder la télévision pour ne pas être tentée par un autre corps féminin. Méchante folle. Une situation qui a commencé en 2011 lorsque le couple a commencé à se fréquenter, mais qui pourtant ne semble pas déranger Steve, même s'il est difficile de vivre avec elle, ça en vaut la peine, ajoute-t-il. Donc, la petite madame de 42, elle check son petit homme de 32 et puis elle paranoïe non-stop. Mais vraiment, c'est comme... Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. C'est le moment d'accueillir Véronique Mire et son Véronique Sionnaire. Bon matin! Bonjour, bonjour! Ça va bien? Très, très bien. Très heureux de parler de la lettre L. Oui. On a cherché beaucoup de mots tantôt. Oh! Qui commençait par L. On a eu le LOL. Ouais. L'Afrique. L'Afrique. Oh! La blague. C'est vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, ça commence par L. L'Afrique. Oh, oui. C'est de là. Okay, c'est, c'est de ses blagues dans son premier show. Ouais, la lettre L qui sera en un seul et gros morceau aujourd'hui. Ben, c'est le changement de la lettre M qui était en deux pièces. Mais oui, hein, ça, ce n'était tout qu'un morceau. Mm-hmm. Mais L, ça fait bien en une chronique aujourd'hui même. Fait que ça sera complet. Une aujourd'hui. Chronique absorbante avec L. C'est comme L. Comme les tampons, les serviettes sanitaires. Ouais, peut-être. Mm-hmm. D'accord. Okay. Donc, commençons avec les lunettes. Oh. Oui. Alors, et on est 2 sur 3 à avoir des lunettes. J'en fais le seul rejet. Minorité. Ben, j'ai des verres de contact. Oh. Puis c'est vraiment juste parce que je ne retrouve plus mes lunettes. C'est vrai, t'as des lunettes. Ouais. Oh, ben les lunettes. Donc, l'histoire des lunettes, hein, parsemée de noms prestigieux. Aristote même, qui parlait de presbytie myopie, mais bon, qui n'employait pas le terme presbytie myopie. Mais il semble avoir des gens qui ne voient pas bien quand ils lisent ou encore lorsqu'ils regardent au loin. Il y avait aussi Pline l'Ancien qui rapportait que Néron regardait les combat de gladiateurs à travers une émeraude. Mmh. Est-ce de la coquetterie? Est-ce parce qu'il y avait un problème de vision ou juste parce qu'il aimait peut-être le vert? On le sait pas. Peut-être. Mais quand même, Sénèque aussi constate que les globes remplis d'eau nous permettent de grossir les textes. Ce n'est qu'au 14e siècle, en 1305, qu'on se met vraiment à parler de lunettes en tant que telles. Et c'est en même temps, au 14e siècle, où on fait la taille du verre à Venise. Ça fait beaucoup de V. Hein? Puis, ben, en fait, là, il y avait les lorgnons, hein, ou ce qu'on appelle les monocles. Oui! Qui étaient utilisés. Il y avait aussi les binocles qui tenaient avec un pince-nez. Ça devait faire tellement mal. Puis les faces à main. Les faces à main, en fait, c'est comme un peu les loups avec les bâtons. Ah oui. Mais c'était des lunettes qu'il y avait au bout là, du bâton. Un peu comme pour au théâtre, là, on voit souvent dans les films, quand tu regardes la pièce avec des petites paires de jumelles. Là, c'est ça. Sans les jumelles. À l'opéra, hein, il en donnait aussi, comme les lunettes 3D aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était des faces à main. Face à main. Quand même. L'astronome bavarois Johannes Kepler, au début du 17e siècle, lui commence à parler des améliorations de la vue possible, ce qui fait que le médecin anglais Thomas Young, lui, va vraiment observer les phénomènes d'accommodation de l'œil et lui va découvrir l'astigmatisme au 17e siècle. Avant, on voyait juste myopie, presbytie, mais lui va découvrir l'astigmatisme. Et vous avez, bon, petite question, un rédacteur de la Déclaration d'indépendance, président des États-Unis, très connu. Franklin. Oh, presque, en fait, t'as une partie. Franklin. Benjamin Franklin. Oui, voilà, ah, Benjamin Franklin. Oui. À deux. À deux. J'étais juste très pas, vraiment pas convaincu. Me suis dit, wow! Benjamin. Tu l'as chuchoté, mais bon. Il n'y a même pas de preuve que tu l'as dit sur l'enregistrement, je pense. Oh. On l'écoutera plus fort. Benjamin Franklin, donc physicien, rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui a inventé les verres à double foyer. C'est quand même pas un deux de pique, hein, Benjamin Franklin. Et vous avez aussi, la myopie et la presbytie, c'est les deux premiers problèmes d'yeux qui ont été corrigés. Le grand confort est atteint. Là, je vous rappelle qu'au 14e siècle, on avait les monocles, les binocles, les faces à main. Donc, toutes les choses qui ne tenaient pas vraiment sur la tête, sauf avec le fameux pince-nez. Oui. Donc, le summum du confort est atteint quand on se rend compte qu'il était à rouette, ça peut tenir derrière les oreilles, tout ça. Donc, on a inventé les oreilles à ce moment-là. On a inventé les oreilles. C'est de là que ça vient. Encore mieux, vous avez Pierre-Hyacinthe Cazot en 1796. Lui, c'est un maître cloutier, donc qui fait des clous, qui va remplacer, imaginez-vous qu'au centre des lunettes, avant, c'était un clou. Vraiment rigide, pas confortable. Hein? C'était pas très souple, un clou. Donc, attends. Lui, il a inventé un cercle de fer qui fait, bon, le fer puis clou, hein, c'est encore mieux, tu sais, qui en sert aussi les lunettes. Donc, c'est plus un cercle qu'une barre, en fait. Quand est-ce qu'ils ont inventé la petite corde qu'on se met dans le cou? Oh! Hein? C'est bien pour. Je veux savoir, moi. Bonne question. La faute à qui? La faute à qui? À Monsieur Ficelle. Donc, voilà pour les lunettes. Cool. La lampe. Lampe, on a une juste devant moi. J'en ai une. Je peux même l'allumer si vous voulez, gars. Wow! Et la lumière fut. Ouais. Ça m'a dû éteindre. Ah. Oui, souvent, c'est comme ça. Hein? La lampe qui existe depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ pour les grottes, hein, pour peindre les grottes de Lascaux. Donc, ça remonte à il y a très, très longtemps. On se servait d'une pierre creuse remplie d'huile dans laquelle on mettait une mèche végétale. Puis, la mèche est restée assez végétale jusqu'au 17e siècle, en roseau, en chanvre, en lin. Donc, ça se consumait assez rapidement, là, en fait. Il faut pas de roue, en tout cas. Donc, ils ont inventé la mèche plate, qui était plus condensée, en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, là, mais plus écrasée, donc les fibres plus serrées, compact, si plus compactes, ouais, ouais. Donc elles brûlaient moins rapidement. Et on a aussi inventé un système de... Ben, c'est sûr que là, c'était plus une roche, hein, rendue au 17e siècle, c'était vraiment une lampe. Puis, on se servait encore d'huile. Et ce n'est qu'en 1853 où là, il y a le pétrole qui a remplacé l'huile, qui brûlait encore moins lentement. Petit à petit est apparue une petite chose ou longue ou qu'on se sert là des fois pour faire des soupers en amoureux. La rondelle. La rondelle ou la bougie, oui, qui est apparue, qui a concurrencé la lampe. Hein, donc petit à petit. Puis encore plus récemment, la fée électricité. Mm-hmm. Donc qui a vraiment relégué la lampe et la bougie plus au rang des accessoires. On les utilise plus fréquemment là, dans nos foyers. Jusqu'à temps qu'ils inventent les flameless candles, les petites chandelles avec un petit piton en dessous. Ah ben oui. Que tu fais toujours avoir au restaurant. C'est ouais, c'est bien beau. Puis c'est que. Il y a pas de chaleur. La révolution, ça. Colin. Wow. Quel est le premier meuble fabriqué par l'homme? Pourrait commencer par un L. Le Lazy Boy! Very first one. Lounge chair, une chaise longue. Non. Non. Faut que ça commence plus par L. Que ça, on vient d'en sortir, là. Ce matin, là, vous venez d'en sortir. Le lit. Le lit. Ah, c'était, ben oui, c'était un meuble, ça. Ben oui. Ben oui. C'était un meuble, le lit. Donc, les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, hein, eux, faisaient plutôt une couche de végétaux sèches. Qui empilaient, puis là, ils se couchaient là-dessus, eux autres, parce qu'ils bougeaient beaucoup. Hein. Et puis, c'est de là que le lit tient son dérivé latin legere, qui veut dire amasser ou entasser. Là, pardonnez mon latin, hein, c'est sûr que j'ai pas le super accent latin. Je te juge à mort. Oh, maudit. Ensuite, au néolithique, ben là, comme c'est marqué plus par la sédentarisation, hein, parce qu'ils vont plus cueillir, puis. Voyons, je dormais de la misère un matin. Bien. Puis, ensemencer les terres pour s'établir. Donc, là, ils vont commencer à surélever. Les lits. Mais pour quelle raison, à votre avis, surélevait-on les lits? Parce qu'on dormait dans des grottes pas mal. Les animaux. Ouais, j'aurais eu la tendance de dire ça. L'ours, ça commence par un S. Oui. Les animaux. Ah, le froid, peut-être le froid. Ouais, un peu le froid. Les animaux, vous êtes pas loin. Les insectes, les trucs rampants, hein, donc pour éviter qu'ils se ramassent dans notre couchette. Donc, on surélevait le lit. Les Égyptiens et les Babyloniens, eux autres, en faisaient plutôt des somptueux avec des cadres en bronze, en ébène, enrichis d'or et d'ivoire. Puis, c'était des cadeaux qu'on donnait aux gens, aux souverains. Tout en Camon, on avait 5, là, pour vous donner une idée. Fait qu'il y avait l'embarras du choix. À Athènes ou à Rome, on se servait du lit pour manger aussi. Hein? On avait des espèces de grandes chaises longues sous forme de lit. Là, puis, vous avez vu ça dans les films, les séries télé. Ouais, c'est ça. On voyait ça. Les lits pour manger. Au Moyen Âge, les lits deviennent vraiment monumentaux, très, très, très gros. Toute la famille au complet dormait dans le même lit. Voilà. Au 17e siècle, les anciennes fonctions du lit reviennent avec la chasse et on reçoit beaucoup, hein, donc c'est la période des grandes réceptions. Donc, les gens de la haute recevaient leurs invités de leur lit, puis les accueillaient dans leur lit. Mais bon, ce n'était pas pour faire des jeux foufou d'amoureux, mais c'était comme ça. Puis, jusqu'au 17e siècle, les fonctions vont changer petit à petit. La jeune mariée s'en sert en dot très fréquemment. Donc, c'est pour montrer qu'elle a de la richesse. Elle va fournir le lit. Puis aujourd'hui, avant même, on naissait dans les lits. Là, les femmes donnaient naissance dans leur lit même. Aujourd'hui, on n'y naît plus. On y meurt moins parce qu'on se servait aussi du lit pour mourir. Les draps se transformaient en linceul. Mais c'est l'espace de repos des jeux amoureux et de la créativité. D'ailleurs, Marcel Proust a écrit « À la recherche du temps perdu, au lit ». Aha, okay. Tout nu. Non. Tout nu, c'est aussi le bel endroit pour mettre les manteaux de nos jours. Oui, c'est vrai. Tu peux installer un miroir au-dessus aussi, pour te regarder. Mm-hmm. Ouais. À côté. Oui, à côté. C'est aussi un bel endroit pour trouver des petites puces de lit, des pinaises de lit. Ça, c'est le fun. Puis dans mon temps, mes grands-parents appelaient ça un lit. Un lit. À la Rivière, c'est bien un lit. C'est un lit. Tu bois du lait. Du lait dans le lit. Que t'allais chercher en ville. Dans ma chine. Oui, ça va faire. Le lit, voilà. Maintenant, la loterie. Certains diraient la taxe sur la stupidité, mais certains diraient en fait, plus les origines de la loterie, puis en revenant tantôt de la musique, je vais vous parler un petit peu plus précisément de l'Auto-Québec. C'est quand même le fun de savoir c'est quoi le premier gratuit qui a été inventé et compagnie. Donc, plus au niveau de la loterie, de façon générale, là, dans le monde, ça remonte à il y a très, très, très loin, dans les premiers recueils de poésie chinois. On parlait déjà de Tombola, déjà les Romains aussi pendant les Saturnales. Vont utiliser aussi cette forme-là de loterie. Néron, vous vous souvenez, c'est lui tantôt qui regardait les combats gladiateurs avec une émeraude. Là. Mm-hmm. Lui faisait des tirages fréquents de lots de chevaux et d'esclaves. T'sais, dans ce temps-là, on se rappelle que c'était très, très fréquent. Jusqu'à ce que l'Église catholique et l'islam en fassent un rituel plutôt païen. Donc, on n'a plus le droit d'utiliser la loterie. Ce n'est qu'à la Renaissance que la loterie va revenir, où les gens vont se mettre à parier sur le nom des membres du Grand Conseil. Puis là, la loterie va servir pour les rois, pour pouvoir remiser, ou plutôt redonner vie à leur château. On va s'en servir aussi comme loterie militaire pour donner des bons habits aux militaires, ou pour la ville de façon générale pour rétablir les ponts et compagnie. Donc, les loteries étaient utilisées pour les dépenses de l'État, beaucoup. Donc, ça n'a pas changé. Non, c'est non, ça, pas hein, ça, c'est non. Ça. C'est avec le pas mal, Québec, les mystérieux lots, jamais gagné. Record mondial de gains de 656 millions de dollars américains, bien sûr. C'est toujours aux États-Unis, les gros jackpots de même. Mais il a été gagné en gagne, le 30 mars 2012, au Mega Million. Et puis, gagné par une seule personne, imaginez-vous, 590 millions le 18 mai de cette année, 2013. Wow! Ils veulent tout le temps battre le record justement pour être la loterie la plus payante. Oui, c'est ça. Tu sais, même pas 1 million, tu sais, 100 000. Ou qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais? C'est quoi la différence? C'est tellement gros. Mmh. En tout cas, il y a de quoi de virer fou. Hein? Ouais. T'espères être dans le cercle d'amis. Un million par-ci, un million par-là, tu vois pas tant la différence. Fait que là, la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui va me dire, je vais faire un clean-up sur mon Facebook, il va me dire, t'es gagné à la loterie. Donc, voilà pour la première partie de la lettre L. Donc, une petite toune. Donc, je suis retournée dans le temps du secondaire. Mm-hmm. J'écoutais du rap.

Fait que on est rendu à l'Auto-Québec. Ah, bref, ah, bref, ah, bref. On rappelle que c'est toujours la chronique Le Vérénictionnaire de Véronique. Oui, totalement. Lettre L. Lettre L. qui va se faire aujourd'hui même. Donc, ça se fait bien. Alors, l'Auto-Québec inventé en 1969 et qui portait alors le nom de la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec. Oh, hein? Parce que c'était les deux dans ce temps-là. Le premier tirage a lieu le 14 mars 1970 et c'est l'Inter Loto qui offre un gros lot de 125 000 $ Wow! Quand même pour l'époque. Une petite pièce de monnaie de rien, ça, là, ouais, comparé aujourd'hui. Tu changes, tu sais. Puis, la première loterie qui tient toujours aujourd'hui, hein, on la voit aux caisses. Des fois, elle est vieille, celle-là, elle coûte 50 cents. Ah, oh, la mini! La mini! Donc, j'ai déjà travaillé dans un dépanneur. Ça existe depuis quand? Depuis 1970. Ah, donc, c'est ça date hein, quand même. Le premier billet à gratter qui n'existe plus aujourd'hui, en 1977, c'est la Loterie des Québécois. Wow! Ouais, sentiment d'appartenance. Ouais. Le 649 existe depuis 1982 et nous garantit un gros lot de 500 000 par année depuis. Mais lui a changé, là, c'est le nouveau 649 là, depuis quelque temps. Le Québec Max. Québec Max, c'est peut-être raison. Ah, ouais, je pense. Mais je jouais pas en carte. C'est quoi l'autre? C'était le Québec 49. Super 7. Ah. Super 7, exactement. Pour Super 7. Il est fini. Mort. Fini. Ouais. 1988, le premier jeu télévisé, à votre avis, c'est lequel? La poule aux œufs d'or. Non, c'est pas la poule aux œufs d'or. Moi aussi, je pensais que c'était ça. Si je vous dis Yves Corbeil. La roue chanceuse. La roue de fortune. Ah, wow. T'es pas chanceuse au début, celle-là? C'est pas la roue chanceuse? Moi, j'ai roue de fortune. OK. Bonne question. Ouais. Donc, 1988, mais en 1993, là, la poule aux œufs d'or apparaît. 2009, donc, c'est l'Automax hein, que tu connais encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé avec les tirages à la TV, là, à la fin des nouvelles, là, ouais, la fille là, qui tirait ouais, les boules, puis tout. Qui se tirait les boules. D'un bord puis de l'autre. C'était à TQS dans le temps, ça se finit, ouais, ça. Ah, non, c'est ça. Il y en a plus de ça, mais c'est encore filmé, puis les vidéos sont disponibles sur le site de l'Auto-Québec. Fait que si ça vous manque, là, ben voyons vous non, pouvez aller voir. C'est ce que je fais pendant mon heure de dîner. Hey, ouais, voilà. Allez voir les tirages. Cool. Puis, même chose hein, pour le Loto Hebdo, là, ceux qui lisaient ça, vous savez, est-ce qu'il y a gagné? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de Saguenay-Lac-Saint-Jean? Puis, ben, tout ça. Le petit cahier qu'on avait à l'épicerie. Là, oui, genre, okay, c'est ça. Ça non plus, ça existe plus. Ah, non, ouais. Mais il y a une section maintenant, Nos gagnants, sur le site aussi de Loto-Québec. Oh, donc, si ça vous intrigue. Sinon, au dépanneur, il y a des photos qui passent en rafale. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ont sur tous des écrans. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Entre deux, trois pubs. Ouais. Mm-hmm. Quoique ça, c'est une pub, même de dire les gagnants, mais bon. Ouais. Depuis août 2012, maintenant, vous pouvez acheter la loterie en ligne. Pas sûr que c'est une bonne affaire. Tu fais livrer ça par la poste? Je pense que c'est juste des jeux en ligne, en fait. Ah oui, OK. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble à ça. Ben puis, ouais, depuis avril de cette année, il y a même des applications mobiles qui vous permettent de valider vos billets. Soi-même. Ouais. Là, si mettons, t'as gratté le nul, c'est découvert, là, ben... Mais il n'existe plus. Il n'y a plus... Quoi? Il n'y a plus le nul, c'est découvert. Mais personne ne le faisait. Ben oui, moi, là, quand je travaillais chez IGA, il y en avait, ils achetaient des billets là, pour 30$, là, puis eux autres, ils grattaient le nœud sur découvert, ils ne grattaient même pas le billet. Ah oui. Ah, c'était plate, ça. Mais c'est parce qu'après ça, toi, il fallait que tu le grattes. Ouais. Mais c'était pas vrai hein, que c'était nœud sur découvert. Non, c'est ça. C'était une arnaque. Parce que, mettons, j'ai déjà travaillé dans un dépanneur, là, c'était ma première job. Puis, mettons, le soir, il y a toujours des mises à jour entre, mettons, je pense que c'est 11h puis 5h le matin du terminal de l'Auto-Québec. Okay. Fait que c'était pour les commis. Fait que c'est toi qui le gratte pour voir si le gars il a vraiment gagné. Ah. Parce que t'as des codes, là, t'as comme ouais, des flèches. Une lune, ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu peux regarder si ça concorde, là, tu sais qui gagne. Puis après ça, t'es valide le matin. Ah, ben. Fait que c'est ça. Même ça marche. Il fallait que tu le grattes, le nul, c'est découvert. Ça n'existe plus. Non. Eh ben. Non. Ah ben. Un vrai fléau. Dommage. Ouais, oui, oui. un autre sujet. Pourquoi le livre Guinness des records a-t-il été inventé? Il essayait de... Oui, c'est une bonne... Oui, c'est une bonne piste, question. Hein? Ouais, ouais. Il essayait de mettre des records de nombre de pages, de nombre de défis qu'il pouvait remplir dans un livre. Il voulait remplir le record, eux autres même, record. Peut-être. C'est sorti pendant les Olympiques, puis là, ils se sont dit, OK, on va faire un concours mondial. Ouais. Non. Ben, en fait, c'est Hugh Beaver, qui est le directeur général des gâteries. Hugh le castor. Hugh le castor. C'était Hugh le petit castor. Hugh le petit castor. Le directeur général des brasseries Guinness en Irlande, d'où le nom, livre Guinness des records. 1951, lui, il s'en va à chasse avec ses amis un bon samedi. Puis là, ben, tout d'un coup, dans le ciel, apparaissent une gang de pluviers dorés. Ils se mettent donc à tirer pour les tuer, hein, puis sitôt apparus, sitôt disparus. Fait que là, ils se disent tout, ben voyons donc, ça doit être les oiseaux les plus rapides d'Europe, ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu des oiseaux disparaître aussi vite du ciel. Puis là, t'as un petit chien qui fait comme dans le coin. Ouais. Fait que là, il retourne chez eux, puis il regarde un peu s'il ne trouverait pas une réponse, puis il n'a pas trouvé ça nulle part. Fait qu'il continue à penser à son affaire. En 1954, ben là, comme il était propriétaire aussi d'une brasserie, ben, il a entendu des clients souvent qui se battaient. « Hey, moi, je suis que le plus petit homme du monde, il est là, ou avec le plus rapide est à telle place. » Puis jamais personne n'était capable de dire c'est quoi qui était la vraie histoire. Donc lui, il a contacté les frères McWhirter, des commentateurs sportifs de la BBC, qui avaient créé une agence pour avoir les records au niveau des sports. Ouais. Puis là, il s'est dit « Bon, ben tant qu'à faire ça, pourquoi pas le faire pour tout ce qui existe. » Donc, le 27 août 1955, ils ont créé le premier livre Guinness des records. En 3 mois, c'est devenu un best-seller et le livre le plus vendu pour Noël de cette année-là. Exact. Et là, c'est devenu, on a dit ça hier, je crois. Oui, je crois. Le livre le plus loué dans les bibliothèques. Le plus volé. Le plus volé dans les bibliothèques. Sûrement. T'écoutes plus que moi. Puis vous avez aussi le livre étrange, là. Ils en ont sorti un, version étrange. Là, c'est le fun. C'est tout bon, ça. C'est vraiment bon, ce livre-là, pour vrai, je trippe. Il y a plein d'enfants le fun à dire à tout le monde après là-dedans. Ouais. C'est super le fun. Vraiment. La Lune. La Lune. Quelques petits points sur la Lune. Savez-vous, c'est quoi la seule construction terrestre visible depuis la Lune? Ça doit être gros. C'est gros, c'est long. La muraille de Chine. Oh! Exactement. Oh, oui, oui, oui, oui. La grande muraille de Chine qui a 6000 km de long, hein, qui ont commencé à construire au 4e siècle avant Jésus-Christ et qui a été terminée au 14e, 15e siècle de notre ère présentement. À qui appartient la Lune? Aux États-Unis. Maudits Américains. C'est ça pour de vrai? Ben non, en fait, okay. Même si les Américains ont mis beaucoup de drapeaux sur la Lune, c'est juste symbolique. Ils n'ont jamais demandé à ce que la Lune leur appartienne. Fait que sont rapaces, mais pas tant que ça. Okay. Traité de l'espace dit depuis le 10 octobre 1967 que c'est un espace international. Donc, il n'y a pas personne à qui ça appartient. Il y a même un traité lunaire qui a été rédigé en 1979, mais il n'a pas été ratifié. Fait que pour ce qui est plus des buts économiques et commerciaux, là, c'est un peu flou au niveau juridique. Fait que souvent, il y a des demandes assez rocambolesques là, pour la Lune. La Lune n'appartient à personne. La durée d'une journée sur la Lune est de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. OK. C'est long, longtemps. Mm-hmm. Oui. Le lac Saint-Pierre. Okay, oui. On change de sujet. Oui. On passe de l'une à l'autre. De l'une à l'autre. De l'une à l'autre. L'une à l'autre. Le lac Saint-Pierre. L'une à l'autre. J'aime bien. Merci. Approve. Je cherche la réaction. C'est bon. Donc, lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre. Tout autre chose. Mais plus proche de nous hein, que la Lune, définitivement. Donc, premièrement, ben, c'est un important refuge faunique hein, qui abrite la plus grande héronnière en Amérique du Nord. Il y a 5000 hérons dans le lac Saint-Pierre. Mais, bien sûr, moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai vu un reportage dans lequel on disait qu'il y avait 300 000 obus qui ont été tirés dans le lac Saint-Pierre de 1952 à 2000 par le CEEM de Nicolet, donc le Centre d'essai d'expérimentation des munitions. Donc, il y a 300 000 obus dans le lac Saint-Pierre, dont 8 000 bombes qui sont toujours actives et 2 000 par un simple toucher parce que le lac Saint-Pierre est très peu profond. Il y en a même sur les berges, hein, parce qu'ils en ont aussi shooté ces berges, tout en qu'à lancer des bombes. Oui, oui, oui. Aussi bien. Puis, en fait, c'est une de mes étudiantes qui a fait son exposé oral là-dessus, qui me disait même que l'ami de son grand-père était décédé. Lui, il avait jeté l'encre, puis paou, il a tombé sur une bombe, puis il a mais pété là. C'est donc bien dangereux. C'est vraiment dangereux. Ouais. C'est pas un endroit mais à c'est tellement drôle. Aller visiter. Mais bon. Donc, il y a un gars sur un forum de Québec Pêche qui s'appelle Jazzy Rick, hein, ils ont toujours des bien drôles de noms, qui disait, ben là, c'est à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on se dit débat entre coq riveté ou coq soudé? Ben, on va plutôt dire coq blindé, hein, parce qu'avec des bombes, ça règle les problèmes. Donc, assez, c'est juste ça que je voulais dire sur le lac Saint-Pierre. Les Legos. Oui. Comment? Les Lego. Ah, les Lego. J'ai entendu les Lego comme dans le pluriel de l'illégal. Illégal. Dans les rues de Montréal. Illégal. Non, les Lego. Donc, vous savez que c'est un fabricateur danois qui a inventé les Lego. Deux fois, lui, sa shop de fabrication, d'abord, c'était en bois. deux fois, elle a passé au feu. Fait que là, il s'est dit, ça va faire, là. Moi, je vais faire des blocs en plastique. C'est encore plus pollué quand ça brûle. Donc, c'est de Lego Group qui fabrique les Lego, des briques de jeux à verrouillage depuis 1949. Puis, en fait, la spécificité des Lego, c'est que toutes les pièces... Ben là, aujourd'hui, il y a eu plusieurs nouvelles inventions, mais jusqu'à, mettons, 2005, toutes les pièces étaient emboîtables, que ce soit les Duplo, les Lego. Tout était... c'est un système complet. Donc, c'est vraiment ça qui fait la beauté des Lego. Et c'est fait avec une très grande précision. En 2008, on dit que le nombre de pièces défectueuses était estimé à 20 sur 1 million. Wow. Donc, très peu de défauts. Je termine avec mon vocabulaire en bref. Un lad, qu'est-ce qu'un lad? C'est quand ton ordi il lag. C'est un laptop. C'est un lad. C'est une sorte de sac de plastique aussi. Lad. Lad, c'est un garçon d'écurie. Hey, wow, tout un poche. Si je te dis, là, je suis allée dans un bar, puis là, il m'a donné un drink. Il y avait une trop de glace là-dedans, c'était la lavasse. Hein, lavasse, ça veut dire boisson trop diluée. Ah, de la lavasse. D'eau de lessive. D'eau de vaisselle. Le goût de mon café, maintenant. Une bonne blague, on peut dire que c'est une lazy. Lazy boy encore? Oui, il revient encore. Ou lazy, le petit chien qui va au puits, là, parce qu'il y a un petit garçon qui est... Lassie. C'est qui est tombé dans le puits. Lazy. Oh, on pourrait dire de toi puis moi, Mathieu et moi, Véronique, qu'on est des leucodermes lunettés. Des barniques, on parle des barniques. Ben, lunettés, hein, donc ils portent des lunettes. Donc, vous pouvez dire ça de quelqu'un, plutôt dire ils portent des lunettes, ben, il est luneté. Leucoderme, ça veut dire qu'on a la peau blanche. Ah, on est pâle. Hein, fait que tu me traites de pâle, mais t'as bien raison. Mais, bon, peut-être que c'est même plus pour les albinos, hein, plus. La peau blanche. La lippe, c'est la lèvre inférieure épaisse. Ceux qui ont une grosse lèvre en bas, là. Oui. Ben, ils ont une lip. Pulpeuse. Ça s'appelle une lip. Puis, des fois, tu peux mettre un cil dessus. Fait que ça fait un lip cil. Lip cil! Super drôle. Une gag de très bon goût. Moi, j'avais beaucoup aimé les Yes Fart. Merci. Yes Fart. C'est des blagues. Ça, c'était écœurant. Une litée, c'est une réunion de plusieurs animaux dans le même gîte. Okay. On sait que ça arrive très souvent. Ben oui. Ça arrive dans Retour au bercail. Ça arrive dans la crèche. Oui. Dans la crèche, par exemple. Une litée. Un litre. Donc, on pourrait dire un litron de vin, par exemple. Une lolette. On dirait une sucette, genre. Mais... Ça ressemble à ça. Si on passe à lolo, lolette, donc en Suisse, c'est le nom familier pour dire une suce. Ah, voilà. Pour enfants. Oui. Pas une suce. Et finalement, un ludologue. Quelqu'un qui est spécialiste des jeux dans un journal. Des jeux pour les médias. J'étais vraiment très moi, je t'aurais vraiment accordé le prix. Le point. À ton crochu, là. Dans un journal. Un point. Ben, tu vois, un média, journal. Oui. Même affaire. Oui. C'est rare qu'il y ait des jeux à radio. Le bingo. On l'a déjà essayé, le Sudoku. Vite 2. Vite 4. Oui. On se fait des essais, mais ça n'a pas pogné. On fait des essais aussi en annonce. On fait des essais. Ça marche pas. Donc voilà, ça complète la chronique sur la lettre L. Merci Véronique Mire. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, dans deux semaines, ce sera la lettre, attends un peu, K. K. K. Kilo. Kilo. C'était la facile. Ku Klux Klan, évidemment. Koala. Oui. Kid Paddle, la bande dessinée. Kippy. Kippy. Kinky. Oui, un Kippy. Oui. Kinky. Kinky. Kangourou. Kinky. Oui. On a pas mal. Kiki. Kefé. Kiki. Quick. Non. Je pense le crash boursier, c'est avec un K. Oh. Que oui. Je crash. Crois que oui. Crash. Exact. Ouais. Wow. Bref, bon, impressionnant. Merci, Véronique Mie. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Alors, deux semaines, on se retrouve. Donc, ce sera, si je peux vous dire la date pour ceux qui suivent à la maison, c'est le 4 décembre. Ouais. On va avoir commencé à manger nos chocolats. Oh, menou, je vais m'acheter 3-4 heures. Enfin, je vais pouvoir écouter de la musique de Noël. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! Hein? Ben oui, il est 11h46, on a retardé un petit peu. Mais quand c'est toujours bon de prendre notre temps, hein? Et puis quand on fait quelque chose d'intéressant, faut pas être pressé, sans attendre dans la détente, comme on dit. Hein? C'est comme ça qu'on est le moins déçu et le plus heureux dans la vie. C'est un conseil et un adage que je donne à tous. C'est un adage vraiment très important dans la vie, sans attendre dans la détente. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Eh bien, on se fait plaisir dans notre bière de la semaine avec la belle buteuse. Et puis, c'est le fun parce que moi, j'aime bien le Trou du Diable. J'aime bien le Trou du Diable depuis longtemps. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, bien, la buteuse, ça nous vient d'ici même à Shawinigan. Ça nous vient de la nouvelle shop de la microbrasserie, le Trou du Diable. Et puis, depuis les débuts, au début, j'avais pas tant trippé sur les débuts de la nouvelle shop, parce que moi, j'aimais aller boire une bière directement là-bas. Et j'aimais le côté romantique de prendre ma bière au Trou du Diable et qu'il n'y en ait pas partout, puis tout ça. Et puis, je trouvais qu'il y avait une petite perte de qualité. Mais avec cette buteuse ici, là, j'en ai bu une la semaine dernière, je dois le dire. Eh bien, on est à quelque chose. On a quelque chose. On a de la belle qualité ici, qui est quand même bien intéressante pour le Trou du Diable. Donc, un très, très beau produit. Si on veut en parler, l'idéal, ça serait peut-être d'en boire aussi. On va essayer d'aller se trouver un débouche-bouteille. Il est où, mon débouche-bouteille? On se remonte la table 2 secondes. Ah, c'est-tu pas la trame parfaite, ça, pour déguster une bière? Sérieux, c'est génial. Donc, on baisse un peu la trame et on s'envoie le petit pshh habituel. On y va. Ça sent si bon la Belgique, même si ça vient ici de Shawinigan. Donc, on va se la couler, cette belle bière. Oh, damn. Bon, premièrement, très, très, très, très, très effervescente, cette bière. Elle me donne un très beau col, assez persistant quand même. Déjà, ben, déjà il se met à descendre. Pour ce qui est de la couleur, eh ben, je vous dirais, c'est un doré jaunâtre, un petit rang sur une petite parcelle de brun, légèrement voilé. Légèrement voilée, mais en même temps, je vous dirais non, parce qu'à l'époque, la buteuse était voilée. Celle-là, je vous dirais qu'il y a juste un petit film minuscule, presque très clair, presque filtré. Sinon, ben, on va s'envoyer une petite gorgée, hein? Ça serait une bonne idée. Bel équilibre. Vraiment très, très bel équilibre. Un bonheur. Donc, inspiré des triples belges, la buteuse est une bière ambrée, coiffée d'une riche mousse, d'où s'échappent de fines bulles. Hein? Des fines bulles champenoises qui conduisent avec elles un parfum de sucre et d'épices exotiques. Sa bouche maltée et fruitée est soutenue par une chaleur d'alcool qui réchauffe et enivre. Entre autres, je veux juste vous dire, le type de bière qu'on propose, on voit, c'est quand même une triple belge, inspirée des triples belges. C'est pas une triple belge pure, mais quand même. Chez le Trou du Diable, ici, on la décrit comme une bière divine extra forte à 10 % d'alcool. Cette bière est présentée dans un beau format de 600 ml. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Trou du Diable ont leur propre bouteille de verre. Superbe bouteille, un format, comme j'ai dit tantôt, bien intéressant, un petit peu plus gros que le format poupée qui est à 500 ml, mais pas aussi gros que le 750. Et c'est bien, bien intéressant, je vous le dis. Donc, cette bière rend hommage au jésuite Jacques Buteux, qui a été jeté tragiquement dans le trou du diable en l'an de grâce 1652. Jacques Buteux, ici, on peut aller... un des moines, c'était un père, hein, ça? Oui, un père jésuite. Donc, qui a fait beaucoup aussi dans la région de Trois-Rivières. Hein? Sur ce, on s'envoie une autre petite gorgée. Et puis après, on va aller jaser avec les gens de chez RateBeer.com, donc des buveurs de bière qui vont nous la décrire. Moi, je trouve que, comme j'ai dit tantôt, les notes sucrées sont là, l'équilibre est là. Il n'y a rien qui dérange dans cette bière. Il n'y a rien qui est trop présent ou qui n'est pas assez présent. Je pense qu'elle est assez bien équilibrée. La chaleur, ma température doit être à peu près à 10-12 degrés, qui est excellent pour ce genre de bière. On s'en va une autre petite gorgée. Pour ce qui est du nez, je peux pas dire que ça ressemble à tel fruit ou tel fruit. Ça ressemble à une belle bière équilibrée belge. Moi, c'est à ça que je trouve que ça ressemble. Si on parle de Pumpkinhead, un homme ici qui critique des bières, il y en a critiqué pas beaucoup, mais quand même, 140, parce qu'il y en a qui c'est 2, 3, 4, 5 000. Donc, il nous dit une bière jaune-orangée, de l'or en liquide, voilée de multiples particules, très effervescente. À date, c'est très bien. Surmontée d'un bon col de couleur crème, dense et mousseux. Dense, oui, mais il tombe à un moment donné. Là, c'est pas si long. Il s'étiole tranquillement sur les parois du verre. L'arôme très fruité d'agrumes, de pêche et d'ananas. Ben, moi, si je vous disais tantôt, j'avais de la misère à trouver... Eh bien, les pêches, tout à fait. Je peux vraiment ressentir cela. La cantaloupe avec de l'épinette, du houblon résineux et de subtiles épices. Moi, l'épinette, personnellement, je la sens pas. Peut-être que oui, mais moi, je la sens pas. Mais bon, on a chacun une capacité de goût. Moi, je ne l'ai pas. Par contre, le houblon résineux, peut-être un petit peu, et de subtiles épices. La coriandre, ce serait la graine de coriandre, pas du tout la feuille. Ça, c'est officiel. On peut également percevoir certains arômes plus maltés. Ça, oui, maltés et levure, ça rappelle le pain frais. Ça, j'ai tout à fait ce goût-là. Moi, tantôt, c'est ce qui me venait. Au lieu des fruits ou des trucs du genre, j'avais encore beaucoup le pain. Mais ça arrive souvent dans des triples belges, tout ça. En bouche, c'est un peu pétillant et un peu mousseux. L'onctuosité au palais est remarquable. Donc, c'est soyé et velouté. Le corps est riche et d'une rondeur exceptionnelle. Au goût, c'est le pain frais, la pêche et le mélange de divers fruits tropicaux. Moi, j'ai le pain. Différents fruits tropicaux, un petit peu la pêche, comme j'ai dit, peut-être le cantaloupe parce que c'est très, très subtil, et le miel, oui, tout à fait. La pointe d'alcool, houblon floral en finale, une légère amertume, une excellente bière. Légère amertume, il faut le dire, parce qu'elle n'est presque pas là. C'est une bière qui se boit tout seul, et on sent l'effervescence, hein, on me sent que oh, j'ai des petits hoquets. Okay. Si on y va avec d'autres commentaires de nos biéreux préférés de chez Rate Beer, eh bien, j'ai le goût d'aller chercher ceux qui sont là souvent. Là. Alain G, lui quand même, on en a parlé assez souvent, 888 bières de critiquer sur RateBeer.com. Lui, il nous dit « Cuivré et limpide, une mousse épaisse tisse une élégante dentelle en se résorbant. Le nez est très bon, charmé par des arômes de levure, d'agrumes, de miel et de vanille. » Ben, si je prends à date les deux texte, là, moi j'ai arôme de levure, arôme de pêche, légère, miel, oui, on l'a, vanille, non, moi je vois pas la vanille, je vois pas vraiment la vanille là-dedans, en bouche c'est épicé minéral où la levure tient à ce qu'on la remarque, une légère acidité, une légère amertume qui donne des élans de grâce à la base maltée, moi désolé, mais j'ai tellement bu de bière qui était amère que je la trouve pas amère du tout. Mais tout ça mis ensemble vient râper la langue avec l'aide de l'alcool qui voudrait bien qu'on ne la remarque pas. Mais il est trop fort, il déplace de l'air le gros, nous dit-il. Donc, lui, il n'a pas tant trippé que ça. Ben, il l'a aimé, là, mais pas, c'était pas la meilleure bière de sa vie, on dirait. Hein? Sinon, on a-tu un autre ici qui pourrait être intéressant? J'essaie de chercher le Sifflebière ou les autres là, qui sont souvent très prolifiques. Tiens, j'ai le Sifflebière ici. Petit col de mousse sur liquide orange ambré mi-épais. Ouais, OK. Sinon, il nous donne arôme fruité de levure belge, alcool bien contrôlé en bouche. L'alcool est réchauffant. Pêche, abricot, caramel. Au caramel, on exagère. Pêche, abricot, ben là, c'est léger, hein, ça se ressemble. Petite amertume ou blattu, belle effervescence contenue. Une tripelle assez ronde, passablement sucrée et fruitée. Et même l'amertume finale ne vient pas amoindrir cette vague puissante de saveurs qui, à la limite, sont trop accaparantes. Plutôt bonnes, mais le brassin spécial constitue une amélioration par rapport à celle-ci. Ça, c'est sûr, hein, si vous allez en boîte, comme on pourrait dire en France, si vous allez directement au trou du diable, là, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir là, avec certains brassins spéciaux, certaines bouteilles qu'on peut acheter sur place qu'on ne retrouve pas nécessairement en magasin. Et puis, si vous pouvez vous faire plaisir aussi, ben, faites-vous plaisir avec des formats qu'on a en fût. Hein? Ça peut être bien, bien intéressant. Sinon, on parle avec Bière-Luc. Bière-Luc, qui est très, très présent dans les commentaires ici sur Red Beer. Il nous dit une blonde limpide et peu mousseuse qui tire sur l'oranger. Là, par contre, bière limpide, blonde, mais quand même un petit côté orangé. Peu mousseuse, moi je la trouvais quand même assez bien effervescente. Les petites bulles de champagne est parfaite. Le nez subtil de houblon fruité qui se dégage. Il dit « Je sens des oranges fraîchement coupées. » Moi, pas du tout. Une pointe levurée typiquement belge. Ça, c'est à 100%, Monsieur Bière-Luc. Vous avez raison. En bouche, les oranges viennent nous charmer, supportées par un sévère mélange de... Moi, c'est pas orange. Tantôt, l'autre, il l'a touché là, avec pêche, abricot. Des trucs très, très soft, un peu, je dirais, huileux. Un peu comme le cantaloup aussi. Tantôt, il y en a un qui parlait du cantaloup. Ça marche, mais pas des trucs forts comme l'orange. C'est que tu coupes un orange dans un endroit, ça sent l'orange partout. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Il nous dit c'est supporté par un savant mélange d'épices, l'alcool qui s'impose en finale. Moi, l'alcool, c'est ce qui est intéressant dans cette bière-là. C'est une bière à 10%, OK? Et puis, on la sent pas. On la ressent. On sent la chaleur dans la gorge après quelques minutes qu'on a descendu la gorgée, mais on ne la sent pas côté le goût. Il n'est pas piquant, il n'est pas fort. Il fait juste bien réchauffer le cœur en cette belle journée de novembre. Il dit « J'avais toujours bu la buteuse brassin spéciale et je me disais que le vieillissement en fût, le brandy, ne faisait certainement pas tout le travail. Ça prenait une grande bière en dessous de tout ça. Et je crois que la buteuse, dans sa version traditionnelle, est une grande bière, nous dit-il. » Et puis, c'est pas mal ça, on se répète. C'est bien intéressant. Je vous invite à aller à la barrique. En plus, en ce moment, à la barrique, je veux vous le dire, bien, bien intéressant aussi, c'est qu'on a une promotion pour les bières. Attends un peu, je le savais. Attends un peu. Deux secondes. On remonte la trame. Tu sais, je veux pas vous envoyer à la barrique puis dire que c'est tel truc qui a un deal dessus. Et puis, que ça soit pas celle-là, je veux pas vous tromper. Oui, c'est ça, c'est la gang de chez Simple Malte, la trio houblon Simple Malte à 9,99 pour un 6-pack. C'est vraiment le meilleur prix à Trois-Rivières. En passant, je parle rarement de prix avec la barrique, ici à la chronique, mais la buteuse à 600 ml est vraiment pas chère, est autour de 6,99 pour une bière de ce genre-là. C'est vraiment donné. Et puis, on a avec Simple Malte aussi plusieurs promotions. À l'achat d'un 6-pack, on peut avoir un beau verre. Quand on sait qu'un verre de bière, ça se vend environ 6 $. Ton 6-pack, il y avait des 6-packs à 12$, je pense, puis tu as un verre gratuit avec. Ça vaut la peine. Rendez-vous au 4170 Boulevard des Forges à Trois-Rivières, juste en face du Centre Les Rivières, pour vous rendre et jaser avec nos amis de La Barrique. Donc, une belle promotion pour la Trio Simple Malte, Trio Houblon. Donc, si vous voulez faire une découverte, c'est... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la trio houblon. C'est trois sortes de IPA différentes que Simple Malte brasse. Et puis tout ça pour un prix assez facile d'accès, disons, pour toutes les bourses. Sur ce, eh bien, je vous représente pour une dernière fois ce qu'on buvait aujourd'hui. C'était la buteuse, une bière divine extra forte à 10% d'alcool, brassée par le Trou du Diable, ici même à Shawinigan. Et puis, on est bien heureux de se l'envoyer derrière la gorge pour une dernière petite fois. Ben, je vais continuer à en boire tout le long de l'émission. Là, quand même, c'est une 600 ml. Je me l'ai pas calé en 10 minutes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Mathieu Plante, toujours avec David Ferron aussi. Ouais! Ouais! Yeah. Et François Landry. Ouais! c'est oui. C'est d'inspiration véritable, mais t'as pas l'air d'avoir c'est autant viril. Envie de le faire. Ouais, c'est ouais. Ça. Viril. Ouais. Rock on. On parlait d'affaires de vrai gars, genre de la politique. Ouais. Hey, Yael. Hell, yeah. C'est-tu Yael? Yael. Yael, comme la chanteuse. À cause des garçons. S'il vous plaît. Oh. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Et aujourd'hui, dans Logocratie 101, François Landry, on parle de Fatima 2, Couillard 0. Voilà, Fatima 2, comme dans un match de hockey. Puis à 3, elle gagne. Tu sais, un 2-3. Ou un 3-2. Okay, oui. Ouais. C'est comme au roche-papier-ciseaux, là. Genre. Ouais. Donc, oui, Fatima Houda Pépin, la députée très connue pour, au Parti libéral du Québec, la seule musulmane à l'Assemblée nationale, okay. Amir Kadir n'étant pas musulman. Mm-hmm. Donc, c'est la seule qui représente cette communauté-là. Donc, depuis des mois, les libéraux redoutaient une éventuelle sortie publique de leur collègue Fatima Houda Pépin, femme d'origine marocaine. Elle a souvent lutté contre l'intégrisme. Elle avait mené la charge contre ceux qui voulaient implanter les tribunaux islamiques au Québec. C'est elle qui avait monté aux barricades vraiment avec la rage... l'écume à la bouche pour dénoncer ça, puis finalement ça avait passé. Donc les tribunaux islamiques n'ont pas le droit de citer au Québec, contrairement à l'Ontario, où ça existe. Okay. Donc ses positions tranchent souvent avec celles de son parti. C'est que la dame n'a jamais été reconnue au sein de son parti pour comme étant une joueuse d'équipe. Et son opposition au voile islamique était devenue une bombe à retardement au sein du caucus libéral. Parce qu'on sait, la fameuse charte des valeurs blablabla bla bla bla bla bla du Parti québécois, c'est ouais, trop oui. Long à dire en nombre. On n'a pas assez de temps. Ils veulent interdire le voile, le port du voile oui. Et des autres signes ostentatoires issus de la religion. Et elle est contre l'intégrisme religieux et contre le voile et tout ça. Donc, en théorie, elle serait pour la charte. Oui. Mais comme elle est libérale, elle n'a pas le droit d'être pour la charte. Non. Parce que ça ressort des rangs. Donc là, on attendait. Oui, puis sur les réseaux sociaux, il y avait une campagne pour dire qu'est-ce que Fatima en pense. Qu'est-ce que Fatima... Donc les péquistes, elles s'énervaient beaucoup sur les réseaux sociaux. What the Fatima says? Ring, ding, ding, ding, ding, ding. Faisait ça, chérie. Ça serait un bon jingle, ça. Ça serait bon. Donc. C'est moi que les grandes gueules l'ont fait. C'est peut-être un peu facile. C'est 1850, ça. Genre. Donc, le fait qu'il n'ait pas été nommé président du comité formé par le chef libéral pour écrire la politique officielle du PLQ en ce sens-là, mais aussi sur tout l'enjeu de la montée de l'extrémisme religieux, n'aura fait, disent ses collègues, qu'exacerber sa frustration. Donc, la seule spécialiste, la seule qui a vraiment la rage au ventre pour ça, elle n'est même pas appelée par le chef. Donc, on redoutait encore là que la bombe soit maintenant enclenchée. Donc, l'allumette, elle est grattée, le baril de poudre pourrait... pété en plein visage de Philippe Couillard. Depuis la rentrée, elle a été plutôt discrète au caucus. Il y a quelques semaines, elle a fait une présentation bien reçue par ses collègues, pour être poli, donc clap clap clap, on l'applaudit, merci, bonsoir. Elle aurait même, ajoute une source, fait cheminer son chef vers l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires pour les personnes en autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Ouais. Donc les juges, les policiers, les grands personnages en autorité morale. C'est une pointe de gens, mais quand même une pointe assez volumineuse. Mettons. Voilà, voilà. Là, qui est très symbolique. C'est ça. Très symbolique. Puis, les choses se sont gâtées dernièrement. Après la sortie maladroite de son collègue Marc Tanguay, qui a affirmé que son parti accepterait une candidate vêtue d'un tchador. Tchador, le voile intégral. Okay. Donc, où on ne voit rien. Oui, oui. Donc, lui, c'était pour se moquer des péquistes, comme quoi eux n'accepteraient plus, c'est pas une règle, mais ils n'accepteraient plus aucun candidat avec un signe religieux. Que ce soit un crucifix, la kirpa, le kirpan ou le voile, blablabla. Mais puis, Marc Tanguay, lui, pour se vanter, dit non, surtout on est inclusif, tout le monde. Mais là, Fatima n'a pas aimé ça. Non, parce qu'elle, son cheddar, elle mange sans matière grasse. Fatima, fat, grasse, oui, matière oui, grasse. Non, compris, c'est facile, oui. Mais bon. Très bon. Oui, réduit en sel et tout. Ouais. Donc, elle a claqué la porte du caucus mercredi dernier, l'autre mercredi, et son chef s'est retrouvé soudainement avec un débat vestimentaire sur le bras. Donc, est-ce qu'on accepte les codes vestimentaires, là? Là, c'est plus rendu la religion, c'est vraiment rendu autre chose. Les uniformes, les ça uniformes, être, les policiers devraient être scolaires. Habillés. C'est ça. Les policiers tout habillés en civil, genre casual Friday, mais all year long. C'est ça. Donc, depuis 2008, la position du PLQ a toujours été la même. Les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. That's it. On aurait pu croire logiquement que cela s'appliquait aussi aux candidats. Mais non. Parce qu'avec Marc Tanguay qui dit « je veux le tchadar » ou « j'accepte le tchadar », ça vient contrecarrer la politique historique du Parti libéral. Donc, lorsque le PQ, le Parti québécois, a annoncé la fin de semaine dernière qu'elle exigerait que ses candidats ne portent aucun signe religieux, le porte-parole libéral a précisé que le tchadar était bienvenu au Parti libéral. C'est là que la goutte a fait déborder le vase. Fatima a défié le chef Couillard en caucus la semaine dernière. Le lendemain, elle a envoyé une lettre aux médias. Donc, sans passer par le filtre la chefferie, M. Couillard a finalement affirmé qu'il ne signerait pas le bulletin de candidature d'une femme vêtue d'un tchadar, parce que c'est la prérogative d'un chef d'accepter ou non un candidat. Donc, habituellement, ils ont un tampon, là. Ils signent pas ça. Là, c'est... Et peu importe la raison, ils ont le droit de refuser. Ils ont... Peu importe. Okay, peu importe. Si t'as des antécédents ou si t'as déjà été quelqu'un qui a été accusé, voie de fait, peu importe, mais si t'es repenti, ça peut toujours ressortir sans campagne littorale. Donc, ils préfèrent pas prendre de chance. Okay. Mais donc, faut y prendre n'importe qui, puis ça s'est déjà vu. Prendre n'importe qui. Donc, Philippe Couillard dit qu'il permettrait toutefois ce signe religieux aux employés de l'État. Donc, la petite croix, le même à la limite, le voile islamique, il était pas favorable, mais en accord avec ça. Donc, premier coup franc de Fatima, 1-0 pour elle jusqu'à maintenant, parce qu'elle a défié le chef devant le public. Dans un communiqué publié lundi dernier, donc, il y a eu la lettre la semaine passée, là, elle publie un communiqué. Habituellement, un communiqué passe par le service des coms du parti, ce qu'elle n'a pas fait. Elle l'a publié à partir de son propre bureau. Mm-hmm. Donc, encore là, une jambette à son chef. Elle dit, je cite, « Je ne permettrai pas qu'on s'attaque à mon intégrité. La seule députée musulmane à l'Assemblée nationale laissait entendre qu'elle veut revenir travailler au sein du caucus libéral, mais pas à n'importe quel prix. » Parce que là, la menace planait comme quoi, avec la première défiance faite au chef, elle pourrait être exclue du caucus. Mais rappelons-nous, il y a quelque temps, qu'à Maria Mourani s'est faite expulser du Bloc québécois à Ottawa, donc par le Bloc québécois, tout simplement parce qu'elle ne se disait pas en faveur de la charte des valeurs québécoises. Et là, le Bloc québécois, le grand frère ou la grande sœur du Parti québécois, ben non, c'est un grand frère, parce que c'est un masculin. Donc, le grand frère du Parti québécois à Ottawa a dit « Non, non, non, faut être en accord avec la charte. Même si on l'a pas lu, on est d'accord, c'est de facto. » Par principe. Par principe. Et pas Fatima, mais Madame Mourani. Oui. Maria Mourani a dit « Non, moi, je suis pas d'accord. » Fait que dans la journée même, elle s'est fait expulser. Elle est maintenant députée indépendante. Wow. Donc là, ils sont passés de 5 députés à 4 députés, donc ils peuvent louer un char pour aller à leur congrès. Ils peuvent rentrer les 4 ensemble. Avant, il fallait qu'il y en ait deux, parce que 5 dans un char, c'est petit. Ils vont économiser des frais de transport ben grâce à Maria. Les chambres d'hôtel aussi. Puis là, c'est rendu exclusivement masculin, ce parti-là. Donc, Boys Club, Boys Band. Ouais. New Kids on the Block à côté. Ça doit être un petit peu meilleur. Donc, elle écrivait aussi, effectivement, qu'elle était prête à collaborer avec le caucus, qu'elle est libérale, loyale à son chef et loyale à son parti. Parce qu'il y en a déjà qui disaient, elle va se présenter ailleurs. Elle va peut-être traverser la chambre, rallier le Parti québécois, peut-être pas. Mais Québec solidaire a à peu près la même pensée que Fatima là-dessus. Donc on l'a dit, est-ce qu'elle va traverser, devenir la troisième députée de Québec solidaire? Mais non, elle se dit libérale jusque dans le sang. Fatima Houda Pépin ajoute cependant qu'elle ne souhaite pas se retrouver dans une situation où on la forcerait à renier ses convictions profondes. Elle regrette d'être traitée de la sorte pour le simple fait qu'elle souhaite un débat d'idées sur une question aussi complexe et sensible comme la neutralité religieuse de l'État. Ce qu'on ne fait pas encore présentement au Québec. On ne fait pas de débat. On fait juste des accusations ou on s'en va promener, en fait. Le PLQ a profité des discussions au caucus pour réviser ses positions sur le port des signes religieux ostentatoires afin de se rapprocher davantage des positions de la commission Bouchard-Taylor. Selon les recommandations faites par cette dite commission, les policiers, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison et les juges ne devraient pas porter de signes religieux ostentatoires dans l'exercice de leurs fonctions. 2-0 Fatima. Donc là, le PLQ a réfléchi. A dit, au lieu d'être contre quelque chose, on va peut-être se rapprocher, faire un débat et se rapprocher de quelque chose qui est sain et ce qui fait presque l'unanimité au Québec. Les recommandations des commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor qui avaient fait un immense travail à parcourir le Québec après la saga Hérouville. On s'en souvient, Jean-René Dufort était venu même à Trois-Rivières filmer ça et se promener avec justement le tchadar dans les rues d'Hérouville puis il s'était fait tirer des roches. Donc, finalement, la députée a fait la paix avec son chef et le couillard. Les deux sont sortis, non pas main dans la main, mais côte à côte, du moins. Son projet de loi sur la neutralité de l'État, qu'elle préparait, donc qui avait été mis au rancard, pourra être remis à l'ordre du jour et pourra être cheminé au Parti libéral comme quoi, OK, tu peux travailler sur un projet de loi de ton côté, on va le proposer en chambre. Donc, elle n'est pas présidente, par contre, de ce projet de loi-là, mais elle sera une personne consultante. Parce que il y a eu des concessions de fait. Tu m'as planté un couteau dans le dos, je te ferai pas un cadeau, mais pour être poli, on va te consulter vu que t'es la spécialiste quand même. Donc elle émet une sérieuse restriction. Cette future position devra respecter la Charte québécoise et canadienne des droits et libertés, a-t-il ajouté Phil Couillard. Donc il n'est donc pas question de recourir à la clause dérogatoire pour limiter les libertés individuelles comme Mme Ouda Pépin projette de le faire. Donc, il y a eu négociation, il y a eu débat, ce qui est sain pour un parti, puisqu'on peut pas être d'accord à 100%. Faut faire des compromis là-dedans. Faut faire des compromis à un moment donné. Faut aller avec le gros bon sens, bien beau l'idéologie politique, mais à un moment donné, c'est des êtres humains qu'on essaie de, pas de gérer, mais qu'on essaie de représenter. Donc, le tout doit être représentatif. Donc, c'est 2-0 pour Fatima Ouda Pépin là-dedans. Elle est ressortie gagnante. Et il y a eu un sondage de fait au Québec, à savoir qui a raison entre Couillard et Ouda Pépin. Et c'est Ouda Pépin avec 97% à peu près. Donc, c'est comme un méchant coup, et là, c'est facile encore une fois, un méchant coup d'un Couillard. Là. Dans ce cas-là. Oui, il y a eu des couillardises. Voilà. Et donc, en parlant de sondages, on aime tous ça ici à Assemblage Requis des sondages, hein? On en parle souvent. Donc, Pauline Marois a fait le bon choix en décidant de ne pas se présenter, de ne pas lancer ses troupes en campagne électorale cet automne. Le dernier coup de sonde de la firme Krupp montre que son gouvernement n'était finalement pas en remontée dans l'opinion publique. Comme on disait, si la tendance se maintient, il en manquait un sondage pour confirmer la tendance. Et là, on a le troisième. Et on voit, le Parti québécois est à 34% la dernière fois qu'on s'est parlé. Il est maintenant à 32%. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il remonte la charte? Ça n'a pas marché. Il faudrait que Pauline Marois sourie. Parce que elle-même, en tant que l'autre partie du sondage que j'ai pas ici, c'est qui ferait un bon chef d'État, et Pauline Marois est en chute libre. Oh, c'est Philippe Couillard qui est en hausse. Parce que c'est un bel homme. Il a l'air fin. Et surtout, qu'il est dans l'opposition. Mm-hmm. C'est très rare que la personne qui est à la tête d'un État ait fait attire, à part Barack Obama, là, mais ça, c'est autre chose. Puis Vladimir Poutine, quand il chasse l'ours, est torse nu. Mais on s'entend que Pauline Marois, c'est pas elle qui rallie le plus grand nombre de Québécois. Comme dirait l'autre, je connais Barack Obama et vous, madame, n'êtes pas Barack Obama. C'est qui disait ça dans le temps? Je connais telle personne, mais vous n'êtes pas telle personne. C'est super classique comme phrase. Bref, Je connais François Landry, mais toi, je te connais pas, Mathieu. C'est ça, tu n'es pas François Landry. C'est ça. Bref. Ouais, exactement. On s'en fout. Okay. Le PLQ passe de 38 à 37 %, donc lui aussi en baisse avec l'histoire de Fatima. Et la CAQ. La CAQ, on s'inquiétait d'elle, de son état de santé. Elle était à 15 %, elle remonte à 17 %. Donc, elle joue dans sa marge d'erreur. Donc, elle varie tout le temps. Et c'est Québec solidaire qui récolte les honneurs, passant de 8 à 10 % de par ses propos tempérés sur la charte et aussi sur le fait qu'il tente de trouver une solution à cet imbroglio chartiste du Parti québécois. Mais on dirait que depuis Françoise David-Elon, on dirait que le Québec solidaire est vu comme un parti qui est plus conciliant, tandis que dans le temps qu'il y avait Amir Kadir, on dirait que c'était le chef qui était bouillant. Oui, bien Amir Kadir, par son tempérament, c'est un combattant. Lui, il va aller au front, puis il va confronter l'autorité, puis on l'a vu. Ferait une belle team avec Fatima. Oui, sûrement. Et tandis que Françoise, c'est une femme modérée, c'est une bonne mère de famille, qui essaie d'être conciliante, d'être modérée. Mais qui a quand même la rage au cœur, qui veut se battre sur les barricades. Pour l'avoir rencontré à 2-3 reprises, je vous dis qu'elle est capable de mordre. Et Amir Kadir est tout aussi capable de flatter dans le sens du poil. Oui. Que... Faut pas voir les extrêmes. Voilà, jamais. Et une équipe avec Fatima serait une Fatima. Team. Et la fin, c'est que Sir Senator, you're not. Là, c'est une remarque faite pendant le débat vice-présidentiel américain en 1988 entre le candidat à la vice-présidence, le sénateur Lloyd Benson, envers le candidat vice-présidentiel républicain Dan Quayle. Il a dit « Senator, I know Jack Kennedy and you're no Jack Kennedy. Oh. » Genre. C'est la phrase qu'on voit de fait de temps en temps. C'est bon, ça. Merci de m'instruire, Mathieu. Ça me fait plaisir. En Wikipédia. Politique, surtout. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est merci. C'est rare que je fais ça, là, puis je vais en profiter. Donc, merci beaucoup, François Landry. Plaisir, Mathieu Plante. On se retrouve la semaine prochaine, et jeudi à 8h30. Oui, monsieur. Pour Logocratie 101. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Baise-t-on comme on mange? Hein? Eh bien oui, plusieurs recherches tentent de le prouver qu'il y a un lien entre la faim et le désir, ainsi que la satiété et l'épanouissement sexuel. La pulsion sexuelle serait aussi forte que la pulsion de se nourrir. Notre choix de menu serait donc indicateur de notre façon d'accéder au plaisir. Et que j'aime cet article déjà. Le parallèle est simple à faire lorsqu'on imagine ce vieux couple blasé mangeant leur pâté chinois du mercredi ainsi que leur poisson du vendredi. On généralisera pas, mais à tort de parier que leur rébat se déroule tel jour une position, tel autre une autre. Ils ont leur routine, ça les sécurise, mais bon, le mercredi, c'est du pâté chinois. C'est comme ça. Préférez-vous les plats épicés? Généralement, les nouveaux amoureux préfèrent les plats relevés, probablement pour égaliser les sensations fortes des débuts amoureux. C'est cliché, mais c'est vrai. Les gens qui optent pour des menus plus épicés ont tendance à aimer mettre du piquant au lit. Préférez-vous la mijoteuse? Alors, vous aimez sans doute saliver un peu avant de vous mettre à table. Vous aimez ce long moment d'anticipation où votre imagination vous donne le temps de fantasmer sur le moment venu. Vous faites monter le désir. Vous aimez donc vous laisser mijoter un peu. Moi, j'aime le piquant, j'aime la mijoteuse, j'aime toute la bouffe. Donc, prenez vos conclusions. Il y a aussi ceux qui préfèrent des repas pas trop salés, pas trop épicés, pas trop sucrés. C'est donc sans surprise qu'au lit, ce ne sera sans doute pas trop. Sans nécessairement être fade, ce n'est pas la personne qui va vous surprendre le plus au lit. Pas trop imprévisible, pas trop surprenant. Très, très végétarien, moi, je dirais. Il existe aussi plusieurs façons agréables de manger, tout comme il existe plusieurs manières plaisantes de faire l'amour. On aime les longs repas élaborés comme on apprécie les longs lunchs rapides. Les lunchs rapides quand on a juste une petite fringale. Besoin que je vous fasse un parallèle? Je pense pas, hein? Je crois que vous comprenez le sens. On peut aimer tout ça différemment. Donc, on peut aimer autant une petite bouffe vite, comme une petite vite, qu'un long repas, là, 5-6 services qui finit plus arrosé de plusieurs bouteilles de vin. Une personne qui mange vite aura tendance à être rapide dans tous les autres aspects de sa vie courante. Généralement, elle marche et parle tout aussi rapidement. Des recherches démontrent que 80% des éjaculateurs précoces mangent aussi à une vitesse éclair. Certains d'entre eux mentionnent qu'ils ont tendance à dévorer de peur que ça refroidisse et que l'assiette devienne moins goûteuse. Dans de telles circonstances, ils doivent apprendre à déguster pour mieux apprécier. Là, je vais me mettre à parler lentement. Les plus méticuleux, vous savez, ceux qui séparent les pommes de terre de la viande et qui coupent leurs légumes en carrés bien distincts et qui finissent leur assiette de façon à ce qu'il reste autant de bouchées de chacun des aliments, eux auront tendance à mettre autant de soin dans leur façon de faire l'amour. Avec eux, oubliez les vêtements lancés au hasard et les draps mal placés. Ils prendront soin de bien plier leurs vêtements, de préparer les draps avant de les passer, avant de passer au lit. Par contre, vous pouvez être assuré que tout sera élaboré avec soin. Certains passent leur vie à donner des restrictions alimentaires. Hein? Ça, j'aime ça. Ils s'interdisent l'accès au plaisir de la nourriture. Ils mangent sans avoir vraiment envie de manger, ou par ennui, ou par l'effet du stress, ou sous l'effet du stress. Dans cette catégorie, on rencontre un peu plus de femmes que d'hommes. En général, ces personnes ne se donnent pas complètement au lit de peur de ne pas mériter un tel plaisir. Elles font donc l'amour sans réelle implication affective. Et finalement, on sait, on raffole des chefs. Les chefs aiment cuisiner pour les autres. On serait donc porté à croire qu'ils aiment donner du plaisir. Il semblerait qu'effectivement, ceux qui aiment se donner en cuisine se donnent tout autant au lit. Le plaisir de déguster, de partager un moment, d'être attentionné au goût de l'autre, les chefs peuvent avoir bien la cote. Hein? C'est donc bien normal. On dit qu'avoir faim rend la nourriture bien meilleure et que de manger quand on n'a pas faim nous dégoûte. C'est la même chose au lit. Plus vous vous sentirez forcé, plus la sexualité perdra son intérêt. Par contre, plus le désir est grand, plus vous éprouverez du plaisir et vous anticiperez la prochaine bonne bouffe. Sur ce, bon appétit! Excellent! Vraiment un très bon article. Et puis, on en a d'autres. On va parler sexe, je vous le dis, aujourd'hui. Tant qu'être dans la bouffe, je vous parle du plus gros gâteau du monde. Eh bien, c'est officiel, le record mondial du plus gros gâteau aux fruits vient d'être battu. Et c'est dans la capitale nicaraguayenne, oui, Managua, qu'il a été confectionné et dévoilé au grand public dimanche. Selon les informations du Global Post, des pâtissiers de la boulangerie Chic à Managua sont entrés dimanche dernier au livre Guinness des records en confectionnant un gâteau aux fruits mesurant 500 mètres et pesant presque 15 kilos. Hein? Ça, y a de quoi qui marche pas, là. Mesurant 500 mètres et pesant presque 15 kilos. Non, ça va être plutôt 150 kilos. Ça peut pas être 15 kilos parce qu'il y a déjà, juste dans le truc, il y a 45 kilos de sucre. On voit que les articles, des fois, sont pas très, très reliés. Hein? Donc, 150 kilos, moi, je vous dis, puis peut-être plus, là. Sacré le plus gros gâteau aux fruits. Ce géant a nécessité 60 000 œufs, 65 sacs de farine, juste en sucre, 45 kilos de sucre, 320 paquets de margarine, 75 pots de fruits confits et 30 pots de caramel. Et tout ça, eh bien, ça a pris 48 heures de travail au pâtissier. L'œuf sera découpé en petites parts qui seront vendues à 80 sous. Par pièce et les bénéfices iront à des organisations caritatives locales qui contribuent à aider les enfants malades. Il aurait pu le vendre à une pièce, là, quand même. Il aurait fait 20 cents par morceau de plus. On parle sexe en ce moment dans le dîner de cons. Et ben si vous aimez pas ça, ben, désolé parce que là, on rentre dans... Et c'est le temps de le dire, et c'est le cas de le dire. On rentre dans le show. C'est le top 10 des positions sexuelles préférées de madame. Donc, en dixième position, eh bien, on l'appelle, le Kama Sutra l'appelle le cadenas. C'est la femme qui s'assoit sur les bords d'une table, bureau ou machine à laver, peu importe. Eh bien, bref, allez-y selon la pièce où vous trouvez. Et l'homme est debout devant elle. Elle place alors ses jambes autour de sa taille en laissant ses mains sur la table pour mieux se tenir. Ce qu'elle aime dans cette position, eh bien, c'est le fait de pouvoir guider les mouvements du partenaire avec ses jambes. Et ce qu'elle aime moins là-dedans, eh bien, c'est le confort de la table sous ses petites fesses, justement. En neuvième position, des positions que madame préfère, eh bien, c'est le bateau ivre qui détient la neuvième position du palmarès. La femme s'allonge sur le dos, place ses jambes vers le haut et les appuie sur son partenaire qui est à genoux. Elle relève légèrement les fesses et le partenaire les tient pour se donner un appui. Ce qu'elle aime, madame, dans cette position, eh bien, c'est le fait de pouvoir diriger l'angle de pénétration. Ce qu'elle aime moins, eh bien, c'est la difficulté à demeurer longtemps dans cette position, un petit malaise. En huitième position préférée de madame, eh bien, c'est la pieuvre. Elle est allongée sur le dos. La femme pose une jambe sur l'épaule de son partenaire et l'autre jambe entre les genoux de celui-ci. Ce qu'elle aime, c'est que cette position stimule beaucoup le clitoris et accentue le plaisir. Ce qu'elle aime moins, et c'est que la jambe sur l'épaule peut se fatiguer assez vite. Oui, ça devient un petit peu acrobatique. Septième position que madame préfère, eh bien, c'est l'acte de retour. Une position que les femmes apprécient particulièrement, en fait. C'est une variante de la levrette qui, elle, vous comprendrez, se positionne un peu plus haut dans le top 10. Debout, madame se place dos à son partenaire. Elle se penche à environ 90 degrés en appuyant ses coudes, sur une chaise, un tabouret, un pouf ou autre. Et monsieur, lui, reste debout derrière elle en la tenant par les hanches ou par les fesses. Que c'est le fun. Ce qu'elle aime là-dedans, c'est que c'est une belle variante, justement, de la levrette. Et ce qu'elle aime moins, c'est le confort qui varie selon la différence de grandeur entre les partenaires. Sinon, position autre préférée de madame, la sixième, eh bien, c'est la position de la cavalière qui détient donc cette sixième place. L'homme est allongé sur le dos et la femme s'assoit dos à lui. Ça, c'est le fun. Dos à lui, simple et efficace, elle fait un mouvement de va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. L'homme, alors, peut caresser le dos et les fesses de madame. J'adore cette position. Ce qu'elle aime, eh bien, c'est avoir le contrôle de la cadence. Ce qu'elle aime moins, et c'est le seul hic de cette petite position, c'est qu'il y a moins d'échanges de regards, mais tu sais, on voit et on aime notre partenaire à longueur d'année. Alors, même si pendant quelques minutes, on se voit pas, c'est pas la fin du monde. En cinquième position, c'est avec un nom qui en dit long. Ce qu'elle aime, madame, c'est la réunion chauffée. Elle occupe le milieu du palmarès. L'homme est assis sur une chaise et la femme se positionne assise, dos à lui. Et elle s'aide de ses pieds ou de ses mains ou sur les cuisses de son... Elle s'aide de ses mains et de ses pieds ou de ses mains sur les cuisses de son partenaire pour effectuer des mouvements de va-et-vient. L'homme a les mains libres, alors pour lui caresser les seins. C'est-tu pas merveilleux? Ce qu'elle aime là-dedans, c'est pouvoir se caresser le clitoris en même temps. Monsieur aussi aime ça quand madame se caresse le clitoris. Et ce qu'elle aime moins, eh bien, c'est la cadence qui fatigue les cuisses rapidement. Mais tiens, ça tient en forme, et puis de le pratiquer, je pense qu'à la longue, ça va être plus facile. Quatrième position, considérée par madame, et considérée aussi par la plus classique des positions, eh bien, c'est la belle position du missionnaire, qui détient tout de même la quatrième place du palmarès, quand certains diraient que c'est peut-être passé date. Non, non, faire l'amour, on pourrait dire normalement ou standardisement, je ne sais plus comment le dire, eh bien non, ça peut être intéressant. On n'a pas besoin bien de l'expliquer. Hein? Madame est allongée sur le dos, monsieur est couché sur elle, la pénétration se fait tout à fait naturellement. Ce qu'elle aime là-dedans, eh bien c'est la proximité avec le partenaire, l'échange de baisers et de regards enflammés. Ça, c'est vrai que c'est le fun. Et ce qu'elle aime moins, par contre, c'est... Tout dépend du poids de monsieur, c'est peut-être justement de l'avoir sur elle. Hein? Peut-être qu'elle peut se sentir écrasée. En troisième position, là, on est dans quelque chose. Là. On est à quelque part, on est dans les trois plus belles positions que madame préfère. Donc, messieurs, prenez des notes. Troisième position, le Kama Sutra la surnomme le Sphinx. Alors, couchée sur le ventre, madame ouvre légèrement les jambes pour faciliter la pénétration et monsieur se couche sur elle. Ce qu'elle aime, eh bien, c'est la sensualité et la douceur que procure cette position. Et ce qu'elle aime moins, c'est bien, il faut aimer la pénétration qui est peu profonde. Tout à fait, parce que c'est un peu plus difficile pour monsieur de se rendre à l'endroit désiré. On peut comprendre pourquoi, à moins qu'on soit affublé d'un engin extraordinaire, comme certains animateurs de C'est fou se plaisent à le dire. Deuxième position, eh bien, c'est la cuillère. Quand même, hein? Ça, la cuillère, moi, je trouve que c'est la position du samedi matin, la position de réveil qui est pas difficile, facile et qui est bien intéressante. Elle détient alors le second rang des positions les plus appréciées. La femme est couchée sur le côté, dos au partenaire. Il vient ensuite épouser le corps de madame en prenant soin de glisser un bras de l'autre côté de son cou afin de faciliter les caresses sur ses seins. Ce qu'elle aime dans cette position, eh bien, c'est idéal pour les femmes enceintes ou celles qui désirent prendre un peu de repos pendant la relation sexuelle. Justement, quand madame est à peine réveillée, là, c'est la position à prendre. Ce qu'elle aime moins, et bien sûr, c'est l'échange de regards qui est quasi inexistant. C'est normal, madame sommeille encore pendant qu'on fait ce petit sport. Et puis, roulement de tambour, la première position. Quoique sans réelle surprise, quelle est la position préférée de madame? Et souvent la position préférée de monsieur, hein? Essayez pas de vous défiler. Eh bien oui. La levrette qui détient le pôle, la pôle position. Et oui, en général, les femmes adorent se faire prendre par derrière. Pas dans le derrière, non, par derrière. Madame à quatre pattes et monsieur agenouillé derrière. Cette position peut devenir très intense et surtout par sa profondeur. Elle peut guider l'angle de la pénétration et il s'occupe alors plus de la cadence qui est désirée. Ce qu'elle aime dans cette position de la levrette, la madame, c'est la profondeur justement de la pénétration et le fait de se faire prendre les fesses pendant la relation sexuelle et la possibilité de caresser son clitoris ainsi que les testicules de monsieur. Ce qu'elle aime moins, eh bien... Je ne sais pas, mais ici, on marque, il faut aimer les pénétrations profondes et certains trouvent cette position un peu trop bestiale. Ben, si vous êtes avec une dame qui trouve cette position un peu trop bestiale, ben, je vous plains, monsieur. Non, mais quand même, si on fait... Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de position qui est désagréable, qui est désobligeante. Écoutez, là, vous faites un petit sport d'amoureux entre adultes consentants. Je pense qu'il faut être un petit peu plus ouvert que ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Allons-y avec un petit palmarès. C'est facile, ça va finir bien. Voici son foutu palmarès. J'ai entamé ma descente sur son foutu oui, je t'emmerde. Son foutu palmarès, qui est la chronique où on fait un petit palmarès bien, bien facile de choses, genre, qui n'ont pas rapport, dont on se fout complètement, mais qui, moi, me font plaisir. C'est un petit bonheur, genre, de vivre ça. Et on va parler de bouffe. Pas compliqué, on parle de bouffe. Ça va vous donner faim, c'est certain. Dépendant de l'heure que vous nous écoutez, c'est sûr que ça va soit aider ou nuire. Cette phrase voulait absolument rien dire. Donc, on commence dans le Milwaukee avec une pizza au gyro. Ah, le gyro. Donc, oignon aussi, tomate et sauce tzatziki. C'est une pizza genre très, très populaire dans le Milwaukee. Et j'aimerais bien que ce soit populaire ailleurs. Des sortes de pizzas comme ça spéciales, ça manque dans le coin. Ensuite, la pizza à croûte au hot dog. On peut encore commander ça dans certains Pizza Hut. Donc, c'est juste, évidemment, une saucisse à hot dog dans la croûte. Avec, je crois, du fromage dans la croûte aussi, mais on le voit pas sur la photo. Ensuite, ah, tiens, au renne fumé. Les rennes fumées, c'est l'animal, le renne. Donc, c'est une pizza qui a gagné des prix. Donc, elle doit être bonne quand même. C'est rempli d'oignons, de champignons et de viande de renne. Comme le petit néronine rouge. Pizza aux fruits de mer, classique quand même. Ces pizzas peuvent coûter jusqu'à 100$ dans certains restaurants du Canada. Donc, il y a du crabe, du Black Alaskan Cod et du Russian Ostra. Donc, c'est du, il y a du caviar et tout dessus. Quand même, hein, au caviar, 100$, c'est bien normal que ça coûte aussi cher que ça. Ensuite, une autre pizza folle à essayer, c'est l'Australian Delight. Donc, c'est à moitié ému, l'animal, ému, en tout cas. À moitié kangourou, oui, avec des bush tomatoes, c'est une sorte de tomate, j'imagine, particulière à l'Australie. Du capsicum et des canneberges. Plein d'ingrédients qu'on ne pourrait sûrement pas retrouver ici. Ensuite, la pizza déjeuner. Vous l'avez tous remarqué dans des restaurants de déjeuner populaires ici même au Québec. Donc, c'est une favorite au Colorado, celle-là. C'est rempli d'œufs, de bacon, d'oignons frits, de cheddar et de salsa verde. Miam. J'ai déjà mangé des pizzas déjeuner qui étaient peut-être pas aussi classe que ça. Là. C'est quand même bon, là, mais disons que ça manquait de choses vraiment comme on vient de dire dans cette pizza-là. Ensuite, la prochaine, c'est la Bronx Pastrami Pie. Donc, ça contient évidemment du pastrami, de la moutarde et des cornichons. Oh, miam! Cornichons, moi, ça fonctionne dans pas mal tout ce que j'ai goûté, que ce soit des salsas, des trempettes, que ce soit... Oh, miam! J'ai faim. Ensuite, la pizza mashed potato. Pizza aux patates pilées. Donc, vraiment, tu y vas un petit peu comme une patate au four, là, comme tu ferais avec une patate au four, une patate en robe de chambre, pyjama ou peu importe. Donc, tu mettrais les mêmes garnitures. Donc, c'est patates pilées, morceaux de bacon, crème sure, fromage... Là, évidemment, c'est des recettes que vous pouvez retenir. Là, c'est rien de bien compliqué, là, une pizza. Ensuite, la pizza bacon cheeseburger. Donc, c'est entre deux grosses pizzas à la viande, OK? Donc, vraiment, c'est comme, imaginez-vous, la grosse pizza. Et à l'intérieur de ça, ça devient un hamburger. Donc, littéralement, il y a une pizza à l'endroit en dessous et à l'envers en haut. Donc, c'est deux grosses pizzas à la viande. T'ajoutes 5 livres de bœuf haché, rempli de bacon ensuite et de mélange de différents fromages. Ensuite, la pizza au taco. Un mélange spécial d'assaisonnement de tacos, de refried beans, là, ça c'est les genres de petites fèves là, qu'on connaît des plats mexicains, et deux types de fromage à la place de la sauce tomate. Et ensuite, on ajoute des tomates en dés, de la laitue et des chips Doritos. Chips Doritos! Ensuite, la pizza dans un cornet. Donc, c'est exactement ce qu'on pense avec le nom. Là. C'est une cone pizza et ça met des toppings, des garnitures à l'intérieur d'une croûte en forme de cornet. On peut avoir différents styles, par exemple le pepperoni, saucisse, etc. Donc ça, évidemment, ça c'est dans des restaurants spécialisés aux États-Unis, mais vous pourriez vous les faire vous-même. Des pizzas absolument bizarres, mais drôles dans la bouche. Drôles dans la bouche. Ça me fait rire tout en étant délicieux. Voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Ça n'a pas duré, ça n'a pas été bien long, mais mettons que c'est tout ce qu'il me fallait pour me rassasier, chroniquement parlant. Maintenant, on s'en va entendre une nouvelle pièce, une nouvelle composition musicale du palmarès anglophone. C'est par la formation Radical Face. Voici Holy Branches sur C'est fou, dans vos oreilles. Everybody's bones are just whole.